disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 39. Je procède au rappel traditionnel de l'émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse email suivante, dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. C'est l'occasion pour vous de commenter les émissions, de commenter les articles qui paraissent sur le site, bien évidemment, mais aussi de participer aux différentes catégories du forum, que ce soit sur les news, bien sûr, le guide racial qui attire l'attention de certaines personnes mal intentionnées d'ailleurs dans la presse, hein, qui découvrent avec effroi que certaines personnes ont constaté les ravages raciaux dans les grandes villes françaises. Bon, évidemment, partie crypto-monnaie, informatique, avec des conseils divers, hein, on a quand même des gens assez pointus, donc n'hésitez pas à rejoindre eelb.su. Alors, maintenant que ces rappels sont faits, je vous invite maintenant à écouter la présentation des participants de la semaine. Puis on va commencer tout de suite avec Hauptmann America, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Hauptmann, j'espère que tu te portes bien. Salut Gandalf, salut les auditeurs et salut les camarades. Écoutez, le capitaine se porte comme un charme. Il a ce matin eu le privilège immense, hein, d'être confronté à la diversité de la faune et de la flore française. Et il me semble qu'il est très important de dire que nous avons été particulièrement gâtés. Car déambuler au milieu de Tchétchènes, de Congolais, de Sénégalais, de Maghrébins, C'est un petit peu comme retomber, si tu veux, dans le plaisir que pouvaient éprouver nos aïeux lorsqu'ils découvraient l'Afrique. Sauf que cette fois, l'Afrique, elle est chez nous. Donc, il va peut-être falloir y mettre un terme. Mettre un terme à la présence des Blancs en France, donc, hein, c'est ça que tu veux dire. Oui. Décoloniser, c'est ça, jusqu'au bout. Bah, il faut tuer les Blancs, hein. Ah ben, il faut tuer les Blancs. Bon, bah, bon courage quand même, Hauptmann, dans ta séance d'immersion en milieu hostile. Hein. Pierrot est avec nous aussi cette semaine. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, salut à tous. Ouais, ça va super, nickel. On va parler un petit peu des Juifs, donc ça va aller mieux. Oui, nous allons parler un petit peu des Juifs, tout à fait, oui, c'est prévu. Enfin, est avec nous aussi cette semaine le docteur Porovitch. Salut, cher docteur. J'espère que tu vas bien, Poro. Bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Je salue les camarades, je salue les auditeurs. Et puis, en avant Guingamp. En avant Guingamp. On nous rejoindra plus tard dans l'émission le cher Alexis, dont la voix rassurante fait dire à nos auditeurs que nous ne sommes pas tous des extrémistes, comme certains veulent le dire, avec malveillance. Alors, je tiens à remercier les donateurs de Démocratie Participative, site, émission, forum, bien sûr. Alors, c'est parti, on va commencer avec le premier don. Alors, je précise quand même que vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez, si vous appréciez ce qui est fait, puisque nous sommes uniquement financés par nos lecteurs. Pas de subvention, bien évidemment, pas de plateforme de crowdfunding, ça va sans dire. Donc, c'est uniquement... Pas de Tipeee dans l'Alf ? Non, pas de Tipeee, non, pas de Tipeee. Non. Parce que j'aurais bien voulu m'acheter un 4x4 de narcotrafiquant. Bah écoute, ça peut être un live goal, mais... Non, c'est pas prévu. Certaines personnes auraient connaître un petit blague. Ils ont peut-être du succès, même sûrement, mais non, nous c'est vraiment. On est plus narco, du coup, on utilise plus des méthodes de narco en fait pour se financer. Ouais. C'est un peu le paradoxe. Donc, don numéro. Oui, alors je disais, vous pouvez nous soutenir en crypto-monnaie. Monero garantit l'anonymat des donateurs ainsi que le montant des dons. C'est la monnaie de l'opposition politique par excellence. Adoptez-la, vous verrez que vous ne le regretterez pas. C'est, à mon avis, c'est une monnaie qui, une crypto-monnaie qui a une très réelle valeur ajoutée, contrairement à beaucoup de crypto-monnaies qui sont en fait des scams ou des plans spéculatifs. Bon. Alors, premier don, premier donateur. Bonjour messieurs les haineux. J'ai fait un don de 006, Monero, pour que vous continuiez le combat contre ces sales juifs de merde. Bon, écoute, c'est... Bon, voilà, c'est dit. J'essaierai de vous faire des dons réguliers chaque mois et j'invite les auditeurs à faire de même, car si le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est aussi, selon moi, la grande et toute-puissante volonté. Alors, celle qui m'a poussé, enfin, à vous faire des dons. Et celle qui nous poussera à bâtir notre grande Bourgogne blanche. Oui. Alors, merci de rappeler aux juifs qu'à chaque mort d'un vieux... juifs des camps, on fait cuire des saucisses et également aux femmes blanches que ce sera la cuisine ou, alors là je suis obligé de biper, dans le futur. Petite question, avez-vous une white pill sur la France pour le doomer de 20 ans que je suis? White pill, c'est-à-dire une bonne nouvelle blanche en quelque sorte. Salutations gauloises, mes camarades et Hitler. Et c'est signé le roi des renards. Alors, une white pill, alors il y en a sûrement, mais moi, la white pill qui m'a enthousiasmé pas plus tard qu'aujourd'hui, donc la bonne nouvelle blanche de la journée, c'est que la Mercedes du Führer est en France. Elle est en France, messieurs. Elle est en France. Elle est gardée dans un musée français. Donc, c'est la Mercedes spéciale 770 de 1942. Magnifique, magnifique Mercedes. Et... je tiens à récupérer mon bien. Je le fais savoir, voilà. Donc, merci de la polir. Un petit coup de polish, d'ailleurs, avant que je revienne la prendre. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, on a la Merco du Führer en France. Ça y est, c'est à domicile. Je ne crois pas au hasard. Donc, je ne sais pas si vous avez une white pill pour notre jeune auditeur. Oui, vas-y. Pour notre auditeur. Puisqu'il conseille aux femmes de la cuisine ou la bip. Bah, la bonne white pill, c'est que l'utérus artificiel approche à grands pas. Donc effectivement, quand ces dames n'auront plus, je veux dire, plus la plus-value de mettre au monde les petits humains, bah, effectivement, je pense que très très vite, ça va être la cuisine ou les poubelles. Parce que ces dames ne se privent pas de dire que depuis les révolutions technologiques majeures, les hommes sont devenus inutiles. Bah, on peut se poser la question aussi, est-ce que les femmes ne seraient pas devenues inutiles? Moi, je rappelle que contrairement à la thèse conspirationniste du grand patriarcat, les femmes ont joui de beaucoup de privilèges, mais c'était dû à une chose. Alors là, bonne chance, mesdames. Donc, white pill, utérus artificiel. Alors, j'ai pas de nouvelles quant à la faisabilité du projet. Ça va encore prendre un peu de temps. Moi, je reviens à ma white pill perso. Alors, je veux quand même donner des infos pour que les gens se disent que je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Donc, alors, la Benz 770 spéciale du Führer, elle se situe à Rochetaillé-sur-Saône. Il y a un musée là-bas, vous voyez. Et il y a la magnifique Mercedes du Führer. Alors écoute, moi en entendant ça, je n'ai qu'une chose qui me vient à l'esprit, c'est que ces salopards de juifs sont capables de la faire mettre en pièces pour éviter un pèlerinage au musée en question. C'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus aller voir la Tour Eiffel sous prétexte que le Führer a été voir la Tour Eiffel, hein, je veux dire. Eh ben, ils vont le faire, ils vont l'enlever aussi. C'est ça. Non, mais je les crois capables de tout. Récemment, alors ça, c'est plutôt une black pill, j'ai vu un truc qui m'a profondément scandalisé. Donc, vous savez que les parents d'Adolf Hitler sont enterrés en Autriche, dans la ville de Leondig. Et comment dire, là c'est une sépulture familiale dans un cimetière catholique, voilà, ça n'a jamais posé de problème. Et la sépulture était entretenue comme toutes les autres sépultures. Et on a des photos où le Führer, notamment lorsque l'Autriche a rejoint l'Allemagne en 1938, à la faveur de ce qui a été appelé l'Anschluss, le Führer, revenant dans sa patrie, avait fait un petit crochet sur la tombe de ses parents, bien évidemment pour leur rendre hommage, c'est tout à fait logique. Et on voyait la photo de cette scène où on voit Adolf Hitler, se recueillant donc sur la tombe de ses parents, tout spécialement de sa mère. Hein. On sait qu'Adolf Hitler avait une relation très proche avec sa mère, plus distante avec son père. Son père, en fait, avait des problèmes d'alcool, je ne sais pas si vous saviez ça. Et c'était un homme assez dur, voilà, beaucoup plus âgé d'ailleurs, hein, il avait une femme assez jeune, il s'était remarié. Et j'ai appris assez tardivement en fait, alors que les faits ont eu lieu en 2012, que la pierre tombale des parents d'Adolf Hitler a été détruite par les autorités. Et par le prêtre, c'est-à-dire que l'enculé de prêtre catholique qui était en charge de la paroisse et le maire de la ville ont démantelé la pierre tombale de gens qui n'avaient aucune espèce de rapport direct avec des faits de nature politique, bien sûr. Ce qui fait que, et c'est grotesque, ce qui fait que maintenant, quand vous allez dans le cimetière, vous remarquez l'endroit où se trouvent les parents d'Adolf Hitler, puisqu'il n'y a pas de pierre tombale. Si vous voulez, c'est le seul. Il y a une espèce de grand vide. Et il y avait un arbre qui se trouvait là depuis longtemps. Et ils ont coupé l'arbre. Enfin, cette espèce de damnatio memoriae là, qui est complètement absurde, puisque par ailleurs, tous les jours, on nous rappelle l'existence d'Adolf Hitler. En fait, Hitler Google News, hein, c'est très simple. Tous les jours, il y a une série d'articles sur Adolf Hitler. Hein, je veux dire, Adolf Hitler fait tous les jours les nouvelles, et donc il ne peut pas y avoir de damnation mémorielle. Et ça c'est une profanation qui m'avait profondément choqué, donc voilà, ça c'était un peu la black pill en question, et c'est vraiment scandaleux, je veux dire, de s'en prendre aux parents d'un homme politique, je veux dire, alors que ça n'a pas posé problème jusqu'en 2012, imaginez quoi, 1945-2012. Et ça témoigne bien en fait, parce qu'il faut quand même porter accusation contre les principaux intéressés, ça montre bien quand même le fléau que représentent les boomers en Occident. Parce qu'en fait, les protagonistes de l'époque n'ont jamais jugé utile de démanteler cette pierre tombale, pas plus les autorités américaines d'occupation que après la guerre ou quoi que ce soit. Je veux dire, on faisait la part des choses. Ce sont ces ordures de boomers qui, sur le tard, quand ils sont rentrés dans leur soixantaine, ont commencé à refaire du militantisme antifasciste beaucoup plus radicalement que les alliés eux-mêmes. Et je rappelle que l'Autriche avait été pendant un temps occupée par les soviétiques. Donc même les soviets ne se sont pas livrés à ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu la black pill. On m'avait demandé une white pill, bon j'ai donné la white pill de la Mercedes, mais j'ai fait le lien tout de suite avec la black pill. Et je trouve ça absolument scandaleux. Et c'est une inflation a posteriori par cette génération de merde qu'on appelle la génération du baby-boom, qui essaye de régler des comptes et de s'acheter comme ça une espèce de vertu morale 70 ans après la guerre, qui est absolument scandaleuse. Et ce sont des ordures, et je veux qu'ils meurent très vite. Bien, écoute, ouais, si tu me permets... si tu me permets, j'ai une future... il nous faudra des mesures drastiques. C'est-à-dire que Il y a quelque temps, j'avais parlé de l'importance en fait de se faire enterrer au lieu de se faire incinérer, car quand on se fait enterrer, on s'approprie le sol qui est déjà le nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on laisse une trace dans l'histoire, dans le bâtiment, dans le vécu, dans le fait, mais aussi on laisse nos os, donc on laisse une trace dans le sol. Et je pense qu'il faudra donc déjà que tous les étrangers qui ont été enterrés sur le sol européen soient rapatriés dans leur pays. Donc, et en paix selon leur rite dans leur pays, hein, voilà. Donc, je pense à certains cimetières, à certains carrés, genre de choses. Et je pense aussi que tous les fils de pute, de boomers, qui ont participé de près ou de loin, hein, à la grande destruction, au grand génocide des Blancs qui est en train de se réaliser, devront être dégagés du sol de l'Europe. C'est-à-dire les Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, pour ne citer que lui, mais tous. Alors, tout En c'est fait, je ambitieux, ne vois pas. mais en Ah ben, à tout cas, partir du moment les où. Je plus veux dire, tous proéminents, les ce serait boomers, pas non. mal. Pas tous les boomers, bien entendu, mais je veux dire, les gens qui sont à rapporter, enfin, qui ont un lien, qui ont eu une action, hein, concrète sur ce qui s'est passé ici, je pense qu'il faudra les dégager de notre sol qui est sacré, en fait. Voilà. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Par exemple, en plus, il nous donne la ligne de conduite. Hein. J'ai donné référence là de la tombe des parents d'Adolf Hitler. De toute façon, les parents d'Adolf Hitler. Ils ont fait pareil avec Rudolf Hess. Hein. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'ils interdisent, sous prétexte, vous savez, de lieux de pèlerinage, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Des lieux de pèlerinage, t'en trouves, hein, c'est pas un problème, ça. Je veux dire, c'est complètement con. Ils voulaient aussi, vous savez, ils voulaient détruire la maison d'Adolf Hitler, la maison où est né Adolf Hitler. Et finalement, ça a été racheté, elle sera pas détruite, ça. Mais qu'est-ce que ça change? Si la maison, elle est détruite, les gens, ils viennent quand même sur le lieu, quoi. Il y aura une place, il y aura quoi? Qu'est-ce que ça va changer? C'est de la folie! C'est les boomers, ça. C'est les boomers. Mais je suis d'accord, et je pense par exemple à Chirac. Moi, Chirac, sa tombe, je la fais vider, les ossements, etc. Je les bazarde au Gabon, hein. Il sera content d'ailleurs, hein. Rétrospectivement, je pense que c'est ce qu'il aurait aimé d'ailleurs, je crois. Il aurait Bah, ça voulu. fera de l'air africain en plus, tiens. Ah, mais c'est sa passion, quoi. Genre, il nous a légué le machin, là. Comment ça s'appelait, là, un machin Le pied à. branlé, là? Ouais, voilà, ouais, ouais, voilà, c'est ça, là, le truc, là, où ils ont. Musée de l'air africain, bah, ils prendront les os de Chirac, ils se les foutront dans le nez, tu Enfin, à mon avis, malheureusement, le musée des arts africains, il ne se limite pas au musée des arts africains à Paris. Mais bon. Mais là, c'est marrant parce qu'il y a. Bon, là, je bifurque, mais vous avez vu, ils sont en train de rapatrier des trucs au Bénin. Moi, je suis extatique. Je suis super content. Je veux dire, il faut absolument vider toutes ces horreurs d'Europe, renvoyer tout ça en Afrique, foutez ça là-bas. Ils en font d'abord strictement rien, et c'est tant mieux. Mais virer ça, et virer ceux qui les ont fait venir aussi, hein, bien sûr, par la même occasion. Donc là, c'est la question de la mémoire. C'est la question de la mémoire. Et donc il y a une espèce de damnation qui a été damnation mémorielle qui a été plaquée sur Adolf Hitler, pas uniquement, hein, par voie de conséquence, sur toute une série de personnes. Le Oui, mais maréchal. sur Pétain aussi, hein. Oui, bah par exemple, Bien voilà, sûr. ils ont pas détruit la tombe du maréchal Pétain. Mais moi je vais vous poser la question, je veux dire, ça ne tient qu'à un cheveu cette histoire. Hein. Ça ne tient qu'à un cheveu, hein. Je veux dire, si demain les Juifs disent il faut détruire la tombe du maréchal Pétain, écoutez, ça se passera, hein. Il y a une contre-religion, hein, d'origine juive, une religion haineuse, et puis ces boomers l'ont totalement intégrée. C'est vrai que s'en prendre comme ça à la tombe des parents d'Adolf Hitler, c'est vraiment, c'est la haine, hein, c'est le ressentiment dans ce qu'il a de plus fondamental, de bête, de méchant, de mesquin. Et bon, voilà, c'est les Mais c'est boomers. lui. Les boomers sont les enfants des juifs, et Oui. je suis pas Oui. étonné. Mais c'est très bien que tu dises la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Alors on nous l'a fait penser comme pour un progrès juridique à l'époque, dans le sens où ça limitait les vendettas et les bains de sang qui pouvaient avoir lieu entre tribus ou entre familles. Mais là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, Européens, on n'a pas cette mentalité à vouloir se venger sur les gens qui ne sont pas directement responsables de nos maux. Alors que, bah, comme tu l'as très bien dit, pour ces boomers, ce sont les enfants des juifs, parce qu'ils pratiquent une vendetta qui, au contraire, va englober tous les gens qui y sont rapportés de près ou de loin à la personne qu'ils détestent, qui nous est Oui, complètement oui. étranger. Et puis plus le temps passe et plus ils sont haineux en fait. Ce qui est l'inverse de la processus mémoriel naturel normal. Non, non. Plus le temps passe et plus il faut qu'ils se vengent, qu'ils insultent, qu'ils salissent. Bon, moi je pense que aussi que c'est ils essayent de s'acheter une conscience morale pour cacher aussi les vrais crimes, les vraies fautes qu'ils ont fait envers leurs parents, envers leurs enfants. Et voilà, ils s'enfoncent dans le mensonge et c'est oui, c'est judaïque. Le docteur Goebbels avait raison, hein, nous sommes en face d'une guerre totale. Et finalement, bah, quand on voit que même la famille du Führer est attaquée, on voit que c'était prophétique tout ça. Hein. Alors, don numéro 2, salut à vous, comme d'hab, mon don mensuel, don, donc pour le mois d'octobre de 0,13 Monero, bonne continuation, et c'est signé un démocrate participatif, en l'occurrence Mélas Autocrator. Donc c'est donateur régulier, un des plus anciens donateurs, en tout cas qui nous envoie un courrier. On a des donateurs aussi qui ne se manifestent pas, hein, qui ne nous envoient pas de message. Merci en tout cas à Mélas. Don numéro 3, cher Gandalf, chère équipe, voici 2,5 Monero, comme une très juste contrepartie pour tout ce que vous m'avez appris. Bien à vous, et c'est Fantôme, Fantôme aussi, c'est un donateur régulier, un don substantiel en l'espèce. Merci, cher Fantôme, de nous soutenir, de nous permettre de continuer ce que l'on fait. Sans les donateurs, hein, ça serait très difficile. Merci Fantôme. Don numéro 4. Bonjour, bonsoir à toute l'équipe de DP. Alors je vous envoie un court message. Je suis lecteur depuis plusieurs années maintenant et j'admire chaque jour votre clairvoyance sur les sujets de l'actualité. Je regrette le manque de contenu cependant, et ce depuis plusieurs mois maintenant, à propos de florilèges de nos fiers tirailleurs sénégalais se soulageant dans les gares et chemins de traverse qui parcourent notre territoire. Urinoir éternel du continent africain, les articles Nègrerie, qui en tant qu'anthropologue amateur m'aidaient formidablement dans mes travaux de recherche sur l'existence d'un chaînon manquant que mes recherches situent entre la dalle d'Argenteuil et l'Afrique subsaharienne. Alors oui, on va en remettre un petit peu plus, puisqu'il y a une demande en ce sens, effectivement. Toujours rigolo, hein, bien sûr. Passons. Alors j'aimerais que vos auditeurs, lecteurs prennent conscience que la situation, à mon avis, ils s'en sont informés, hein, est absolument catastrophique et que les quelques maigres consolations à trouver dans une analyse au second, troisième ou 36e degré sont une perte abominable de temps. J'ai perdu tant d'amis par suicide ces dernières années, dont un jeune récemment, dont la pureté raciale et sa ressemblance trop proche avec ce que je fus dans ma jeunesse sur le plan esthétique m'ont bouleversé. Camarade, il est temps de passer à l'action, il est temps, je vous le crie, le séparatisme doit être total. Alors je cite encore, hein, abat la France, ce ramassis de porcs alcooliques, c'est daté, stupide et formidablement pathétique, ce que Céline nommait dans Le Voyage au bout de la nuit, ce peuple de perdants et de miteux, chassés par la peste et les guerres, qu'ils fuyaient des quatre coins de l'Europe, qui, à cause de l'océan, n'ont pas été plus loin. Vive la race blanche, la vraie, j'implore tous ceux qui l'incarnent au fond d'eux-mêmes de se préparer pour la catastrophe imminente à sauver ce qu'il y a de plus important, à savoir leur sang. Et c'est signé un lecteur, auditeur anonyme. Bon, alors là, évidemment, ça rompt un petit peu l'harmonie, mais bon, écoutez, hein, c'est le message tel quel, cru, brut, sans aucun filtre. Est-ce que vous voulez réagir à ce message, chers amis? Ouais, moi je voulais dire à l'auditeur qu'effectivement, il y a des gens qui c'est malheureux, hein, des gens de chez nous qui sont impeccables du point de vue des idées et du point de vue biologique et qui se foutent en l'air parce qu'ils ne sont plus capables de vivre ou de se mentir à eux-mêmes vis-à-vis de leur situation. Enfin, bref, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Conseil pour tous les auditeurs, si vous avez quelqu'un proche de vous ou pas proche de vous d'ailleurs, ça peut être un inconnu, hein. Il y a pas longtemps, moi j'ai vu comme ça quelqu'un qui avait pas l'air bien. Je lui ai parlé pour savoir si ça allait. La personne m'a dit oui, c'est gentil de demander. Effectivement, il y a quelques temps, ça allait pas du tout. Là, ça va, j'ai remonté la pente. Bon voilà, j'ai parlé 5 minutes avec la personne. C'était quelqu'un qui, racialement parlant, était irréprochable. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bon, ben, moi, j'ai aussi perdu des gens autour de moi, hein, que ce soit le suicide ou d'autres raisons, quoi. Et c'est toujours quelque chose, moi, je pas, c'est quelque chose qui me pèse parce que des fois, on se dit, si cette personne-là était venue me parler, j'aurais pris le temps, par exemple, de parler avec elle, d'essayer de lui remonter le moral. Et des fois, les gens n'ont pas forcément le courage. Donc, c'est pour ça que je vous invite à être un petit peu aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire être un petit peu à l'écoute, faire un peu attention à ce qui se déroule autour de vous, pour pouvoir tendre la main aux gens. Parce qu'on vit dans une période, je vais pas vous l'apprendre, qui est extrêmement difficile. Et il faut absolument qu'on se serre les coudes. Parce qu'en face de nous, on a des gens qui sont extrêmement soudés, pas forcément les uns avec les autres tout le temps, mais ils sont extrêmement soudés contre nous. Et nous, si on n'est pas soudés les uns avec les autres, pour des raisons qui sont évidentes, ça participe forcément à notre déclin, en fait, à notre chute, hein, à notre extermination sur le long terme, quoi. Et voilà. Donc ouais, je comprends cet auditeur et j'invite tous les auditeurs à essayer au maximum, hein, de. Je dis quand je dis tendre la main, c'est pas vous la faire bouffer la main, hein, mais c'est par exemple si vous voyez quelqu'un qui est pas bien et que vous appréciez, ou même quelqu'un que vous appréciez pas, mais que vous savez être quelqu'un qui est comme nous, quoi, essayez de lui faire voir le bright side de la vie, quoi. Essayez de lui faire un peu de white pill. Et même s'il n'y a pas vraiment de white pill, dites-lui, écoute, t'es pas seul et on va s'en sortir. Ensemble, on va lutter. Ah, voilà, ouais. C'était mon message. Et pour corroborer ce que vient de dire Captain America, moi j'ai l'impression que parfois la black pill, il faut aussi la voir comme une white pill. Je m'explique, c'est-à-dire qu'effectivement les temps sont durs, il y a des personnes qui s'en sortent pas, qui pètent des plombs, qui broient du noir, je comprends tout à fait ça. Mais ça, c'est dû aussi aux faiblesses internes du système, un système qui est complètement absurde, qui pousse des gens en suicide, hein, qui est vraiment très très dur, hein, très violent. Mais qui ne peut pas durer comme ça dans le long terme. On a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, mais il y a quand même la République. Moi, je vois ça comme un géant en pied d'argile. Les métèques, forcément, ils vont toujours continuer à faire du bordel et puis à se multiplier. Ça va créer plus de problèmes. Ces gens-là ne créent pas de richesse. Hein, le PIB ne repose pas sur les métèques. Je veux dire, il y aura un effondrement qui va se passer à cause de... Pas forcément les métèques, justement. Il y a une liste innombrable de problèmes qui sont insolubles tels qu'on les présente aujourd'hui et tels que la situation est... En plus, on verrouille beaucoup de problèmes. Dire, les retraites, c'est un truc qui est verrouillé, c'est une pyramide de Ponzi. La dette, on a compris maintenant, la planche à billets, tout ça, c'est infini. Sans parler de tous les événements politiques imprévisibles qui peuvent arriver... une guerre avec un autre pays, peut-être pas, mais une guerre civile, c'est quelque chose qui est possible, des ressources énergétiques qui vont s'épuiser. Je veux dire, à un moment donné, on va arriver à une rupture criante et les cartes seront rabattues et il y aura un renouveau. Voilà. Donc il y a une black pill, il y a un système très dur parce qu'il y a d'énormes problèmes insolubles et à un moment donné, il y aura le renouveau. Voilà. Ouais, quelque chose que je voulais dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, après Alexis, c'est que des fois, on se brouille avec des choses qui peuvent être plus importantes, et par ego, on ne leur reparle plus, ou alors il y a des choses, c'est rédhibitoire, hein, quand on a des valeurs qui sont bien trop différentes et que les gens sont pas capables de faire d'efforts, je ne sais pas, ou alors les gens vous ont vraiment fait du mal, ou vous ont arnaqué, bon, il y a des choses, on peut pas revenir dessus. Mais des fois, ça peut être des petites choses qui vous font perdre le contact avec des gens que vous appréciez. Et moi, dans mon cas, il y a quelqu'un une fois avec qui je me suis brouillé, et puis cette personne est morte. C'était son taf, il est mort au boulot, quoi. Et j'ai jamais pu lui reparler, en fait. Et même si c'était pas quelqu'un avec qui j'étais excessivement proche, m'être brouillé avec cette personne, en fait, et de jamais avoir pu lui dire t'es un petit peu con de s'être brouillé pour telle chose, voilà, quoi. C'est quelque chose qui m'est resté, en fait. Et donc je pense, voilà, qu'il faut d'un côté essayer de tendre la main aux blancs qui sont dans une. Mais il faut aussi, avec les relations qu'on a, essayer de ne pas avoir trop d'ego et de. Ça, même, il faut savoir mettre les limites, hein, bien sûr. Hein, il y a des lignes à tracer, des choses à pas dépasser, bien entendu, quoi. Mais il faut aussi se dire que demain la personne pourrait mourir. Et que si elle meurt, est-ce qu'on va pas avoir des regrets vis-à-vis de certaines choses? Donc il faut, enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses à prendre. Et puis voilà. Bref. Moi, je comprends l'essence du message, bien sûr. comme vous, mais bon, il faut quand même s'arrêter sur un truc, c'est la France est une espèce d'énorme astre mort qui dévitalisant, qui absorbe toutes les énergies vitales comme un trou noir, hein. Je veux dire, c'est quand même ça, quoi. Donc en fait, tous les gens qui sont des gens positifs, créatifs, qui veulent aller de l'avant, se font retenir, se font tirer vers le bas par cette espèce de truc qu'on appelle de facto la France. Hein, voilà, et il ne faut pas non plus s'étonner si aujourd'hui il y a plus de 2 millions, en tout cas il y a plusieurs millions de Français qui ont fui la France, de fait. Hein. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont fui la France sont des gens de notre sensibilité, ce n'est pas du tout le cas. L'écrasante majorité d'entre eux d'ailleurs votent jovialement Emmanuel Macron aux élections, c'est vérifiable à chaque fois, enfin en tout cas lors des dernières élections, mais avant ils votaient François Hollande, donc j'ai souvent comparé ça en fait à l'islam en fait, hein. C'est-à-dire que les musulmans quittent leur pays parce que leur pays est invivable à cause de l'islam, et dès qu'ils arrivent dans un pays qui veut bien les accepter, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils imposent l'islam pour transformer le pays en question, qui est un Eldorado, en enfer sur terre, qui fuiront, dont leurs enfants, leurs enfants ou petits-enfants fuiront à leur tour. C'est exactement la même chose avec les bobos, hein, donc ils transforment l'or en plomb, en fait. Hein, ça ne loupe jamais, hein, les bobos français transforment l'or en plomb. Mais c'est un fait, voilà, c'est que la France, c'est ça, ça dévitalise, ça casse les gens qui sont des gens rayonnants, j'allais dire des gens solaires, et au bout d'un moment, comme la loose, comme cultiver la loose entraîne la loose, bah vous vous retrouvez qu'avec des losers. Et en plus, et ça c'est terrible, là ça rejoint le caractère dysgénique du problème, c'est que donc vous avez des gens talentueux, parce que même si c'est des bobos, les mecs généralement de toute façon ils viennent, ils ont des bons niveaux de formation, ils sont compétents, ils produisent de la valeur ajoutée, ils sont parfaitement intégrés dans l'appareil économique global. Donc, c'est des gens qui vont apporter leurs compétences ailleurs. Donc, ça, c'est acté. Donc, c'est des gens qui seront utiles, si vous voulez, là où on a un petit peu de suite dans les idées, on sait utiliser les talents. Alors, en France, vous perdez d'emblée, vous perdez les gens qui sont créatifs, qui sont doués dans leur domaine professionnel. Bien. Et là-dessus, vous vous tapez le tiers-monde. D'accord ? Donc, typiquement, la fameuse formule, on exporte les bacs plus 8 et on importe les bacs moins 8. Mais c'est pas qu'une formule, c'est la réalité. Et c'est génétique, c'est racial, et c'est bien sûr cognitif. Donc plus le temps passe, plus les années passent, plus on importe des demeurés. D'accord ? C'est des demeurés de Somalie, des demeurés du Pakistan, des demeurés de l'Afghanistan, etc. Voilà, donc c'est des types, ils ont 75-80. C'est pas les meilleurs, parce que les meilleurs, ils restent dans leur pays, souvent, ou alors ils sont, à quelques exceptions près, ils vont dans des programmes internationaux, etc. Mais bon, voilà, ceux qui arrivent par bateau, c'est pas des docteurs en astrophysique, hein, on est bien d'accord. Donc, on prend généralement le pire. L'Algérie, par exemple, nous envoie le pire. L'Algérie vide ses poubelles raciales chez nous. Voilà, c'est quelque chose de parfaitement connu. Hein, ce qui donne d'ailleurs des trucs assez intéressants. Quand on voit les manifestations qu'il y a eu en Algérie il y a 2 ans, là, un peu plus, c'est des manifestations globalement assez ordonnées, c'est assez pacifique, hein, voilà, donc... Il y a des gens qui sont globalement capables d'expliquer pourquoi ils manifestent, mais il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de bagnole cramée, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas ces spectacles-là, si vous voulez. Et ça nous paraît étrange, parce que chez nous, en France, les Algériens qu'on connaît, c'est des mecs, en fait, on leur donne tout, ils crament tout. Donc, bah oui, c'est normal, c'est-à-dire que il y a des dynamiques d'hygiénique, là, qui sont en mouvement. Et ça s'accumule au fur et à mesure du temps, et plus ça va, plus la France est une énorme bouse qui attire de la merde. Donc quand t'es là-dedans, et que t'es un mec normalement constitué, qui réfléchit à peu près normalement, t'as envie de te coller une balle, quoi, au bout d'un moment. T'en peux juste plus, quoi. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il faut se coller une balle? Ben non, il faut pas se coller une balle. Bien sûr que non, il faut pas se coller une balle. Moi, je pense que c'est là qu'est l'erreur. J'ai parfois croisé des gars, si vous voulez, qui n'arrivent pas à se distancer du merdier, en fait. Ils n'arrivent pas à avoir ce petit pas d'écart vis-à-vis du train qui fonce à 300 km/h dans le mur, en fait. Il faut juste faire un petit pas de côté puis vous regardez le train foncer dans le mur, et le mur, et le train va s'éclater totalement, là. Et puis ensuite, vous allez vous payer la tête de tous des rares survivants qui auront, ah, tu vois, je te l'avais dit, tu vois. Voilà, mais c'est ça. Il faut avoir une attitude de jovialité et de bonhomie face au destin. Le destin est le destin, hein. Le fatum, c'est le fatum, et il faut être à la hauteur du destin. Donc, il ne faut pas avoir cette culture morbide qui consiste à dire que parce que la situation devrait être anxiogène, on pourrait se dire, voilà, je vais moi-même m'enferrer dans ce truc. Ben non, sinon vous allez finir par être happé par l'évier et terminer au fond des égouts avec les bamboulas et les nègres, et les gauchistes camés, quoi. Donc non, il faut avoir cette jovialité, cette fraîcheur, il faut avoir cet élan enfantin face au destin, et pas se laisser abattre par ça, je veux dire, clairement pas. Ensuite, comment le faire? Parce qu'on va dire, voilà, ça c'est une disposition psychologique, mais ensuite, comment le faire? Bon, il y a des trucs qu'il faut éviter. Par exemple, quand il y a des lieux anxiogènes, des situations anxiogènes, il faut les fuir. Il faut quand même une stratégie d'évitement. Voilà. Voilà. Vous allez me dire, c'est l'évidence, ben oui, mais il y a des gens qui ne le font pas. Aussi évident que ça soit, il y a des gens qui ne le font pas. C'est étonnant, mais c'est vrai. Et il y a des professions qu'il ne faut pas faire. Il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a des gens qu'il ne faut pas fréquenter. Voyez. Et quand vous acceptez de vous soumettre à cette discipline personnelle, de filtre, de tri, et c'est pas juste quelque chose que vous avez dans votre tête, c'est quelque chose que vous faites. Vous dites, ah lui, non, mais lui, je ne l'aime pas. Là. Lui, il est toxique, il est négatif. Je l'écarte. Vous l'écartez vraiment, vous le dégagez de votre téléphone portable, d'accord? Quand vous savez qu'il fréquente un endroit, vous y allez plus, vous allez dans un autre endroit, voilà, et procédez systématiquement comme ça. Vous débarrassez de quelque chose de négatif, mais vous ne contentez pas de ça. Vous débarrassez de quelque chose de négatif et vous choisissez quelque chose de positif. Donc quand vous évitez un lieu, vous ne contentez pas de ça. Vous évitez un lieu et vous recherchez un lieu positif que vous voulez fréquenter. À chaque fois, vous éliminez quelque chose de négatif et vous recherchez quelque chose de positif. Si vous faites ça, vous allez voir que mécaniquement, vous allez rentrer dans une spirale qui va vous améliorer personnellement. Voyez. Mais il faut juste cette discipline élémentaire de suivre, et de la suivre. Voilà. Généralement, les gens, ils sont très passifs, en fait. Ils sont très apathiques. Ils ne sont pas actifs face à leur destin. Ils subissent, ils ne bougent pas, ils attendent. Voyez. Et même quand ils voient qu'il faudrait le faire, ils ne le font pas. Ça me frappe souvent, ça. Que les gens restent... ils sont la procrastination. Si vous voulez. Et je pense qu'il ne faut pas l'être. Voilà. Donc, et j'ai connu des gens qui sont suicidés, hein, malheureusement. Hein, j'en ai connu. J'ai connu comme ça un homme. Vous voyez, des mal-alpha, vous voyez, ça c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est triste. Mais c'est marrant comme quoi... des hommes en rock et des durs hein, tombent, mais ils tombent toujours pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je dis que c'est marrant au sens de c'est il y a un enseignement là. Vous voyez, c'est ça que je voulais. Oui, c'est intéressant à analyser. Voilà. Ouais. C'était un légionnaire. Alors niveau mal alpha, on peut pas faire tellement mieux. Hein, je veux dire en France, hein, c'est quand même assez compliqué. Hein. Bon, légionnaire, blanchi sous le harnais, sous officier, un mec, un NS. Hein, NS, je précise, un mec très sympa, parfait. Et alors, il a mis fin à ses jours. Alors, je vous le mets dans le mille, d'après vous. Une gonzesse. Voilà, exactement. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est ça. Mais comme beaucoup de mecs qui, notamment dans les milieux qui sont liés à la protection des personnes ou du territoire, parce que les mecs sont envoyés à gauche et à droite et sans considération pour leur vie de famille. Voilà, souvent à quoi ça aboutit, les divorces et les suicides. Il y a ça énormément, et malheureusement en fait, ce gars-là, évidemment, comme très souvent dans ces métiers-là, on n'étale pas, parce que si on explique ses problèmes perso, c'est faire montre de faiblesse, hein, et entre mecs, on n'est pas là pour étaler ses soucis, donc qu'est-ce qu'il faisait notre camarade? Eh ben, il se consolait un peu avec de la bibine. Voilà, pour tenir un peu. Et puis, comme il parlait à personne et comme il prenait un peu d'alcool pour tenir le choc, mais qu'en même temps, ça ne s'améliorait pas avec la nana en question, bah, ça comptait spirale. Et puis un jour, le drame a eu lieu. Alors qu'en fait, il avait juste besoin de donner un putain de coup de talon. Je veux dire, bon, voilà, bon, ça, bon je vais quand même pas me ruiner la vie pour une nana, c'est bon, allez hop, en avant. Et voilà, et souvent les gars, en fait, ils se mettent dans cet état d'esprit-là, qui est un état d'esprit profondément négatif, ils s'enferment sur eux-mêmes, ils se replient sur eux-mêmes, ils n'ont pas ce coup de talon qui va les faire remonter, et c'est contre ça qu'il faut lutter, quoi. Et je pense qu'il y a trop de choses à faire, si vous voulez, il y a trop de combats à mener pour céder là-dessus, je veux dire, voilà. Mais j'ai vu beaucoup de gars se suicider, ou j'ai connu beaucoup de gars qui se sont suicidés, et c'est quand même très souvent les mêmes schémas. C'est alors si c'est pas une femme, c'est des problèmes familiaux, mais très souvent l'alcool est lié, très souvent l'alcool est lié, et souvent ça craque d'un coup, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'accumulation au fil des années, et puis il y a un jour ça va être fatidique, quoi. Et bon, on peut toujours essayer de d'essayer de comprendre cette pente, mais moi je dis que grosso modo c'est pas acceptable. C'est comme voilà, je me vois pas me suicider personnellement, hein, sauf si je suis dans un bunker entouré par des commissaires bolcheviques juifs armés jusqu'aux dents qui vont donner l'assaut dans moins d'une douzaine d'heures. Vous voyez. Et j'ai pas envie que mon cadavre soit exhibé devant les caméras des marxistes. Mais bon, à part ce scénario-là qui est quand même pas le plus courant, il y a aucune raison d'accepter, de se... Et c'est bien pour ça que on doit, nous, être vigilants, en fait, envers les gens, oui, dont les chemins croisent le nôtre, en fait. Que ce soit des camarades, ou que ce soit des, ne serait-ce que juste des blancs dans la rue, ou autre chose. On se doit d'être, je l'ai déjà dit, hein, mais nous, on est des missionnaires, en fait. On est des missionnaires, puisqu'on doit répondre, en fait, nos idées. On doit sauver les blancs. Mais aussi, on doit montrer l'exemple. Alors, personne n'est parfait, mais on doit montrer l'exemple du mieux que l'on peut, en fait. Et c'est vrai que tendre la main envers des blancs qui sont en train de sombrer, c'est ce qu'il faut faire, parce que quand tu sombres, tu peux pas t'en sortir toi-même, en fait. La plupart des gens peuvent pas. Et souvent, quand pris dans une spirale comme tu les as décrites, tu vois plus, en fait. T'as un effet tunnel qui fait que, ouais, tu vois plus la sorte, tu vois plus d'issue, en fait. Tu dis qu'il y a plus de possibilités. Et c'est vrai ce qui est totalement faux, ce qui est totalement, oui, faux. Mais là où c'est le pire, c'est que, bon, je sais pas, t'as fait une connerie à ton boulot, tu dois 10 millions d'euros à... Bon, là, c'est sûr que ta vie, elle est mal barrée. Et bon, mais... Même pas, hein. Bah, disons que tu peux continuer à vivre, mais je veux dire, c'est vrai que pour rembourser 10 millions d'euros, c'est coton. Ça va peut-être pas le coup de... C'est, oui, ça, tu les rembourseras jamais. Hein. Non, mais voilà, mais c'est, oui, ça. Mais c'est ça. mais tu vas finir SDF, quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une situation sur laquelle, à part gagner au loto, tu pourras rien faire. Alors qu'en fait, te faire quitter par une meuf, même si c'est la mère de tes gosses, c'est pas la fin du monde, parce que il y a pas qu'une seule femme dans notre vie, il y en a plusieurs, et c'est pas parce qu'il y en a une qui veut plus de toi à un moment donné que il faut te laisser marcher dessus par la gonzesse en question, ou qu'il faut abandonner tout, quoi. Non, c'est clair que là il faut dire non. Si jamais vous avez des potes à vous qui sont dans cette situation là, dites-leur. Non, des meufs, il y en a plein. Tu te sors les doigts du cul, tu vas faire du sport, tu te reprends de la discipline, tu te lèves tous les matins, tu fais ton lit. Tu déjeunes ou tu fais du sport d'abord, mais tu reprends tous les jours le même truc, le même rythme, et tu vas remonter la pente. Et je vais t'aider à remonter la pente. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai eu un proche comme ça qui s'est suicidé. Ce mec-là, il avait tout. Il avait un travail correct. Il avait deux beaux enfants, une épouse. Malheureusement, il était dépressif chronique, ça l'a rongé pendant des années, et puis il a fini par passer à l'acte, genre une semaine après avoir vu son psy. Donc si vous voulez savoir de ce que je pense de l'aide des psys, voilà, vous savez. Moi, si j'avais pu lui parler, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion, si j'avais pu lui parler, je lui aurais dit de foutre le camp. Je lui aurais dit de se barrer, de laisser sa femme, de toute façon ses enfants, ils étaient grands, de laisser sa Magali, sa putain de Magali, et d'aller, je sais pas, n'importe où, mais pas en France, et d'aller prendre au moins 2-3 mois minimum, mais je pense que 6 mois, ça aurait été mieux, 6 mois, 1 an, s'exiler et faire le point sur lui. je pense que ça aurait pu lui sauver la vie. La France est un des pays psychologiquement les plus toxiques qui soient. Et la cible principale de cette toxicité, c'est les hommes blancs hétéros. Donc il faut bien comprendre que déjà, si tu restes en France et que tu vas pas bien dans ta vie, en étant en France, tu as déjà un handicap lourd. Faut bien y penser, hein, quand vous commencez comme ça à vous enfoncer dans une dépression, une déprime, si vous avez la possibilité de vous exiler, ne serait-ce que 2-3 mois, c'est carrément une option. Moi, j'ai connu des gens hein, qui sont sortis de leur dépression comme ça. Ils ont fait leur sac un jour, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Il y en a un qui était parti aux USA, l'autre qui est parti en Bolivie. Ça les a sauvés de la dépression. Donc je parle de vécu, des témoignages directs. Donc voilà, une option peut-être. Puis pour ce que disait le camarade, oui, c'est le moment d'agir, il faut passer à l'action. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Moi, vraiment, je me vois pas dire aux gens, allez-y, agissez. Les circonstances sont trop contre nous. Donc il va falloir être patient, il va falloir prendre soin de soi. Mais je vous dis, voilà, il y a des solutions, mais méfiez-vous bien de la société. Parce que vous allez mal, vous pensez que peut-être ça vient de vous, ça vient peut-être de telle histoire avec vos parents, etc. Moi, je vous dis, ça vient de l'environnement qui est toxique. J'ai eu trop de témoignages comme ça pour ne pas le dire aujourd'hui puisqu'on parle de ce sujet. Donc voilà, si vous pouvez pas partir de France, peut-être vous pouvez changer de ville, changer de région. Mais essayez comme ça, je crois que c'est vraiment que c'est une option de changer d'environnement le plus possible. Les deux sources de malheur communes des hommes contemporains, c'est souvent les mêmes. Hein. C'est le pognon et puis les nanas. Ça, c'est hyper commun. Alors, pour le pognon, moi, c'est vrai que je vous invite à être le plus indépendant financièrement possible. Ça, c'est effectivement, il y a des moyens d'agir. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique? Je sais pas, c'est une question extrêmement vaste. Par contre, au niveau individuel, être plus indépendant, avoir plus de fric, ça serait un objectif individuel, c'est certain, quoi. Et d'ailleurs, les deux sont corrélés. Hein. Si vous avez une aisance financière, vous avez plus facilement accès aux femmes. Ça, c'est évident. Maintenant, vous savez pourquoi il y a l'expression très connue qu'on connaît tous, une de perdue, une de retrouvée. Moi, je vais dire un truc qui est peut-être pas facile à entendre, mais c'est très simple. C'est pourquoi 10 de retrouver facilement, c'est parce qu'il n'y a pas de femme exceptionnelle, tout simplement. Moi, je connais beaucoup d'hommes médiocres, mais je connais aussi beaucoup d'hommes exceptionnels. Mais de femmes exceptionnelles, j'en connais pas une. Je connais beaucoup de gens, j'en connais pas une. Donc, c'est facile d'en trouver une autre, parce qu'en fait, dans tous les cas, on a de base mis un critère un peu plus bas que pour les hommes quand on recherche, vous savez, quand on compare la valeur morale des gens. Voilà. C'est un peu comme les nègres. Vous savez, quand le nègre, il va braquer une banque, par exemple, il va faire des conneries et puis il va tirer dans tous les sens, puis il va se faire plomber. En fait, moi, ma réaction, c'est « Mais en fait, qu'est-ce que j'attendais? C'est un nègre. » Alors, quand une femme me déçoit, j'ai un peu la réaction, je fais « En fait, c'est une gonzesse. » Voilà. C'est pour ça que je trouve complètement interchangeable et que ça vaut pas le coup de se foutre en l'air pour une chose pareille. Il faut que vous soyez prêt à prendre la porte et à vous barrer à n'importe quel moment, même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, parce que c'est la seule façon, enfin c'est une des façons, mais ça c'est une façon principale, pour que les femmes vous respectent, c'est que vous leur fassiez comprendre que vous n'êtes pas complètement dépendant émotionnellement et affectivement d'elles, et que vous avez d'autres choix, et que si elles ne vous respectent pas et que la relation ne vous convient pas, vous partirez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'était une aparté, mais c'est bien, c'est vivant, hein, voilà, on discute en live comme ça. Donc don numéro 4, on répondait à notre donateur, j'espère qu'on aura apporté des éléments de réponse quand même à notre auditeur et à travers lui à tous ceux qui se posent ce genre de questions. Donc don numéro 4, le Celte Noir, de quoi s'agit-il? Bonjour, bonsoir à l'équipe de DP, en auditeur je voudrais avoir confirmation du don de 0,10 Monero, soit environ 25 euros pour ma première avec des cryptos. Merci, salutation particulière à Gilou Mémé. Alors apparemment, c'est un camarade au Celte Noir. Le message est passé, Gilou Mémé. Voilà. Alors, les petits gars, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Intéressant courrier, c'est Steven Seekheil qui nous l'écrit. Et vous allez vous rappeler de Steven, en fait. Alors, je vous lis ça tout de suite. Alors, bonjour à tous, chers démocrates. Il y a un an et demi, je vous avais dressé, le portrait de deux villes de l'Est de la France afin d'alimenter le guide racial des villes. Il s'agissait de Sarreguemines et de Forbach. J'avais dressé un portrait globalement positif de la Moselle, hormis ces villes grand remplacées, comme Forbach notamment. Cependant, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un phénomène concernant les villages et je vais vous raconter une anecdote qui m'a été contée. Nous sommes dans le Beecherland, un endroit situé à l'est de la Moselle qui comprend les communes à proximité de la ville de Beech, une superbe ville en termes d'architecture et riche en histoire, mais malheureusement remplacée par des hordes de bougnoules et surtout de Turcs. Hormis la ville de Beech, le Beecherland est un endroit magnifique avec ses forêts denses, ses petits villages aux maisons traditionnelles entourées de végétation, ses collines, ses superbes prairies et sa faune. Vous pouvez y voir des bisons, par exemple. Je l'apprends, ça. Dans les villages du pays de Beech, on vit simplement et calmement, en harmonie avec la nature. Évidemment, je ne peux qu'encourager les démocrates qui souhaitent quitter leur ville tout en restant en France. Ça se discute. Hein. Est-ce que c'est en France ou pas, hein. Un amical salut aux Alsaciens mosellans qui m'écoutent. Donc, en restant en France, à s'y installer tant qu'il est encore temps. Je précise bien tant qu'il est encore temps, parce que la survie de ce paradis blanc est menacée. La moyenne d'âge de la population de ces villages est très élevée. La plupart des habitants ont plus de 70 ans. Et la plupart mourront dans la décennie à venir. Nous le savons, mais les allogènes le savent également, et j'en viens à mon anecdote. J'ai discuté avec une femme âgée d'environ 80 ans. Je propose qu'on l'appelle Huguette pour les besoins de l'histoire. Cette femme, physiquement très affaiblie, se déplace péniblement en déambulateur, mais elle a encore toute sa tête et m'a raconté son histoire. Elle est née dans le Reich allemand au début des années 40. Toute sa vie, elle a vécu dans la difficulté. Elle s'est mariée et a eu des enfants, malheureusement tous morts aujourd'hui. Elle est veuve depuis une vingtaine d'années. Seulement, il y a 20 ans, la mort de son mari n'a pas été le seul drame qui a bouleversé sa vie. Il y a 20 ans, une famille turque a emménagé dans la maison à côté de chez elle. C'est là que son enfer a réellement commencé. La famille turque s'est installée. Pendant un temps, elle ne s'est pas faite remarquer, sauf que peu à peu, la situation a évolué. Les Turcs se sont reproduits. La femme turque a chié des gosses, et des cousins en provenance du bled ont emménagé dans cette maison. Par la suite, les insultes ont commencé. Dès que Huguette sortait de chez elle, elle se faisait traiter de pute ou de vieille salope de blanche, systématiquement. Les insultes se sont intensifiées et on la menaçait de viol régulièrement. Les jeunes enfants turcs disaient « Je vais t'enculer, je vais violer ton cadavre ». Cette situation a duré plus de 15 ans. Huguette, étant seule, avec peu de moyens financiers et physiquement amoindrie, n'a pas eu d'autre choix que de subir la violence quotidienne de ces sales kebabs. Pourtant, ces 5 dernières années, les choses ont pris une tournure encore plus terrifiante. Les jeunes Turcs ont grandi et ont désormais fait de leur maison familiale un repère pour tous leurs amis turcs. Ils ont créé un bar à chicha clandestin et sèment la terreur dans le village. Mais ils sont confrontés à un problème. Ils se sentent à l'étroit. Pour pallier à ce problème, ils n'ont plus qu'une idée en tête, voir disparaître Huguette pour s'emparer de sa maison. Pour ce faire, les menaces de viol sont devenues des menaces de mort. Sa maison et son jardin sont régulièrement vandalisés. Elle subit des jets de projectiles en tout genre dès qu'elle met le nez dehors. Des excréments sont déversés devant sa porte. Ces sales Turcs la menacent de la brûler vive, de la battre à mort, de l'envoyer rejoindre ses enfants décédés, etc. etc. Ce qu'ils veulent est parfaitement clair. Ils veulent l'exproprier et s'emparer de la maison pour étendre leur territoire. Il faut savoir que pendant 20 ans, Huguette a régulièrement voulu porter plainte auprès de la gendarmerie, qui l'a purement et simplement envoyé se faire foutre, car selon eux, donc les gendarmes, on ne peut rien faire, on n'enregistre plus de dépôt de plainte pour ce genre de choses. elle, qui vit seule et qui n'a pas les moyens physiques et financiers de quitter la maison bâtie par son mari et contrainte de finir ses jours en subissant cette torture permanente. Elle vit dans la terreur depuis 20 ans et il faut savoir que le reste du quartier est totalement indifférent face à cette situation. Huguette n'en a plus pour très longtemps et en l'absence d'héritier, il y a fort à parier que les Turcs obtiendront ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il y a un processus de grand remplacement également dans les villages, sauf que le processus y est simplement plus long. Ici, les Turcs ont pris 20 ans pour dévoiler leurs véritables intentions, et il est clair que l'objectif des nègres, des bicots et de toutes les races de boue est la conquête totale du territoire et le génocide des Blancs. Tout ça sous la supervision de la communauté que vous connaissez bien, de la justice française et de tout l'appareil d'État, qui à terme souhaiterait nous exproprier massivement pour nous parquer dans des colcoses au nom du réchauffement climatique. Pour conclure, les villages français constituent encore une bonne option pour les démocrates, mais le temps presse et la guerre raciale va se matérialiser de manière de plus en plus concrète, y compris dans les villages. Comme l'a dit Hauptmann lors de l'émission précédente, il va falloir être prêt à combattre. Je m'excuse pour ce long courrier, mais je devais vous raconter cette histoire. Soyez forts, notre mort n'est pas encore arrivée. Hi Hitler, et c'est signé donc Stephen C. Kyle. Alors donc là, vous avez compris que c'est une histoire assez lourde, assez pénible, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, on est face à une situation ici qui appelle, je pense, une réaction. Amis alsaciens et mosellans, n'hésitez pas à nous envoyer un message si ce témoignage semble... intéressant, pertinent, que vous souhaitez y apporter une réponse, je vous invite bien sûr à contacter Démocratie Participative. Et alors maintenant que j'ai lancé ce petit message, je vais faire un petit tour de table. On va parler du cas de cette vieille dame persécutée par des Turcs qui convoitent le bien qui est le sien, le bien familial. On apprend donc que la maison a été construite par son mari et que cette femme seule est persécutée donc au vu et au su de tous. Y compris de la gendarmerie et du maire, ça va sans dire. Donc ça nous rappelle des épisodes précédents qui ont été cités dans l'émission. Vous connaissez tout ça comme moi. Et ce qui frappe là, je dirais, et je commencerai la discussion peut-être là-dessus, c'est l'absence de solidarité raciale et communautaire. C'est là que ça se joue. C'est-à-dire que les Turcs sont solidaires, mais où sont les Blancs? Où sont les Blancs? Les Blancs se laissent dévorer parce que, finalement, ils misent sur l'individualisme. Voilà ce qui se passe. Et comme on accepte de rentrer dans cette dynamique-là, eh bien, les autres en profitent. Donc, je crois que, déjà, là, on a un travail à faire de riposte. C'est que quoi qu'il soit fait par la suite, cela devra impliquer le collectif, le communautaire, le racial. Je crois que c'est clair. Écoute, moi, j'ai une seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça, c'est que faut agir, en fait. Le village, déjà, c'est des fils de pute. Les mecs, ils sont pas touchés personnellement, donc ils s'en branlent, en fait. Il y a des gens qui habitent près de chez elles et qui pensent comme nous, non? Ouais, ok. Je dis rien de plus. Visiblement, les autorités sont à l'aise avec une femme octogénaire de 80 ans qui est menacée de mort tous les jours par des Turcs. En fait, il y a une solution qui peut être de foutre la pression médiatique en organisant des manifestations, en organisant des actions et compagnie. Mais bon, la portée, on sait très bien que ça va aller loin parce que nous, on est bien trop élevés, quoi. Donc, vu qu'on brûle pas de voiture, vu qu'on n'a pas des tonnes de lisier à déverser devant la préfecture, c'est dans un violon, quoi. Donc après, il reste quoi comme solution quand la voie diplomatique est impossible? La question est sur la table. Il faut regarder ce que font toutes les autres communautés constituées, donc les gitans. qu'est-ce qu'ils font, les gitans, si tu leur casses les couilles? Ils jouent de la guitare avec deux doigts. Je pense que le message est passé. Comment dire non, mais c'est bon, c'est un témoignage, hein, mais je crois que ça nous dit ce qui va se passer, effectivement. Donc, je vais pousser un petit peu plus loin. Donc, effectivement, la Grande Bourgogne Blanche, tout ne peut pas être explicité durant l'émission, mais grosso modo, hein, en théorie, c'est ça. Donc, c'est la solidarité raciale en pratique et même au niveau local. Hein, c'est par là que ça passe. Mais, nonobstant, la Grande Bourgogne Blanche, vous pouvez déjà tous qui nous entendez passer en mode organisationnel. Ça, c'est faisable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous organiser localement pour vous protéger. C'est la suite inévitable, d'accord ? On va vers ce qui va ressembler, grosso modo, à une énorme Yougoslavie. Je l'ai dit plein de fois dans l'émission, je sais, je me répète, mais bon, enfin bon... La réalité est répétitive, donc c'est comme ça. Mais on va vers une énorme Yougoslavie. Bon, bah, dans une énorme Yougoslavie, si vous voulez, il n'y a qu'une solidarité, c'est une solidarité ethnique et raciale. Hein. C'est la seule option possible, c'est que celui qui est votre proche, qui vous ressemble, qui est comme vous, hein, c'est lui qui risque de faire face au même problème, donc se crée une solidarité naturelle face à des ennemis très agressifs. Donc, ce n'est pas tellement une question de savoir si ça va se passer. C'est plutôt une question de quand. Donc, plutôt que de rester là, l'arme au pied, en croyant que l'État... Et je pense qu'aussi, ça joue un rôle, hein, cette espèce de croyance en l'État, en fait. Joue énormément, fait énormément de tort. Et ça rejoint, hein, en tout cas en ce qui me concerne, mon rejet radical des élections de la démocratie du maire général, c'est que, malheureusement, ça entretient le mythe de l'action salvatrice de l'État. Sauf qu'on a dépassé depuis très longtemps toutes les lignes rouges et qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Donc ceux qui croient aux élections croient que, notamment avec Zemmour, parce que c'est ça, hein, mais c'était vrai avec Marine Le Pen, c'est-à-dire que, ah, on va mettre donc le juif Zemmour à l'Élysée, ah, voilà, ça y est, c'est bon, la gendarmerie va agir, les magistrats vont agir, ça y est, on va faire le ménage, voilà, je vais être protégé. Non, le juif Zemmour sera trop occupé avec tous les cégétistes, les gauchistes, etc. Vous en faites pas, il n'aura pas de temps pour venir vous sauver des bougnoules, des nègres et des turcs. C'est pas comme ça que va se passer. Donc la seule personne qui peut se sauver en France, c'est une personne qui se met dans un état d'esprit qui lui permette de prendre les choses en main. Voilà, votre sécurité, c'est votre affaire. Votre sécurité, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire de la gendarmerie, c'est pas l'affaire de la magistrature. Ces gens-là vont vous laisser crever. Ils vont vous laisser crever. Ils vont rigoler quand les Algériens vont vous égorger. Ils vont vous rire au nez. D'accord ? Voilà. Vous croyez que des magistrateux vont voler à votre secours quand vos gosses ou votre femme sera poignardée sous vos yeux. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, il va falloir quand même être en prise avec la réalité. Et donc, changer de paradigme et prendre les choses en main. Ça veut dire d'assurer sa sécurité soi-même. Pas tout seul. Il y a une différence entre le soi-même et le tout seul. Mais l'impulsion doit venir de chacun de nous, en fait. Voilà. Et ça suppose d'arrêter de croire en la magie étatique. Ça suppose de croire il faut arrêter de croire en la magie étatique. Ça n'aura pas lieu. Il n'y aura pas un préfet miraculeux entouré de gendarmes qui va vous libérer des bougnoules et des nègres. Ça n'arrivera pas. Donc, par contre, oui, un ministre qui va dissoudre une association d'extrême droite qui essaye de faire du micro-communautarisme avec des bars associatifs, ça oui. Oui, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais oui, voilà, je veux dire... Voilà, donc dans le cas du Guet, c'est vraiment caractéristique. Ces chiens de Turcs, comme ces chiens d'Arabes, et ces chiens de Juifs, et ces chiens de Nègres, ils chassent en meute. Mais dès qu'ils font face à un homme blanc déterminé, les mêmes chiens partent comme des chiens. C'est très simple à comprendre, d'accord ? Donc il faut arrêter d'utiliser des stratégies qui ne marchent pas, comme porter plainte, tout ça, ce genre de truc-là, supplier l'État de bien vouloir. Non, mais ça, c'est fini, c'est terminé. Ça, c'était le XXe siècle. On est au XXIe siècle. Au XXIe siècle, l'avenir, c'est, je l'ai déjà dit, c'est donc C'est le scénario yougoslave, c'est le scénario sud-africain, c'est le scénario brésilien, c'est le scénario libanais, tout ça en même temps. Vous voyez? Bon, bah dans ce scénario-là, si vous voulez, il n'y a pas d'État. D'accord? En Yougoslavie, il n'y a pas d'État. Au Liban, il n'y a pas d'État. En Afrique du Sud, il n'y a pas d'État. Au Brésil, il n'y a pas d'État. D'accord? Ça n'existe pas. Vous avez juste des bandes armées assoiffées de sang qui sèment la terreur. Voyez? Et il y a ceux qui se soumettent à la terreur parce qu'ils sont trop faibles, et il y a ceux qui résistent à la terreur parce qu'ils décident d'être forts. Voilà. C'est très simple. Ouais. Donc, dans le cas du guet, dans le cas de cette vieille dame, comme tous les chiens, ils s'en prennent aux plus faibles. Et regardez, c'est des trucs très élémentaires. Regardez tous les reportages animaliers. On voit des tas de trucs comme ça, vous savez, que ce soit des hyènes ou des machins. Comment ils font? Ils regardent un troupeau de buffles, hein, voyez? Ils vont pas vers le mâle le plus puissant. Ils regardent soit les enfants, enfin pas les enfants, mais en l'occurrence les petits, quoi, les petits du troupeau, soit les bêtes malades, voyez, celles qui traînent un peu, traînent une patte, voilà, où ils sont un peu, où ils sont âgés, etc. Vous voyez? Mais c'est la même chose avec ces animaux. C'est la même chose. C'est-à-dire, ils repèrent les faibles pour les dévorer vivants. Vous voyez? Ce sont des carnassiers, d'accord? Mais des carnassiers comme ça, on les traite comme des carnassiers. Les Turcs, ça se traite comme des hyènes, d'accord? Donc. Faut arrêter avec l'idéologie des droits de l'homme, l'amour, la tolérance, Jésus, machin, je sais pas quoi, là. Non. Dans cette jungle, il n'y a qu'une solution, c'est d'être en haut de la chaîne alimentaire. Et pour être en haut de la chaîne alimentaire, il faut être impitoyable. Et l'homme blanc a été, pendant très longtemps, impitoyable. C'est ce qui a fait sa force. L'homme blanc doit réapprendre à être impitoyable. Ouais. Non, je suis d'accord, il faut pas compter sur la police. La police, elle n'est pas là pour vous défendre, on l'a déjà dit la semaine dernière. Elle est là pour défendre l'ordre républicain. Et devinez qui est-ce qui fait venir ces enculés qui s'en prennent à Huguette et à tous les autres? C'est la République. Donc c'est sûrement pas les mecs qui sont la cause du problème qui vont vous aider à régler le problème. Ça, c'est clair. C'est évident. C'est d'une logique implacable. Si vous remontez les causes, c'est l'État le problème. Donc, ne comptez pas sur ces gens-là pour venir vous défendre. Ils ne le font pas. Ils savent très bien que vous êtes en train de vous faire agresser et ils ne bougeront pas leur cul. Ça me permet d'enchaîner sur la rubrique numéro 2, tyrannie sémitique. Donc, tu en as fait mention, hein, Poro, c'est la fermeture de l'Alvarium. Alors, ça se passe à Angers, hein, donc on est en Anjou, à Angers. C'est une ville qui est aussi maintenant, qui pendant très longtemps, une ville de l'Ouest assez typique, hein, très calme, très sereine, pas très dynamique, mais quand même où il faisait bon vivre, hein, on était tranquille. Et maintenant, bon, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire qu'on est là face à la mécanique que tu as décrite, hein, Porovitch, hein, justement, cette république qui organise l'invasion, la submersion migratoire. Bah, techniquement, il n'y a pas d'invasion. Hein. Une invasion, ça voudrait dire que les étrangers viennent volontairement chez nous. Or, ils sont invités. Il y a un grand remplacement, mais il n'y a pas d'invasion. Hein. Non. Ouais, il y a quand même toute une série qui se bouscule à nos frontières et qui la franchissent. Oui, mais ils ne viennent pas avec la force. Ils ne viennent pas avec la force. Ils sont invités. Oui, oui, c'est une invasion qui est tolérée, oui, donc elle est voulue, c'est exactement ça. Et donc, Angers subit ça, donc c'est une ville vraiment caractéristique, hein, voilà. Et alors, curieusement, alors toute la presse organisée cite les faits divers, mais n'a jamais d'explication. Ça, c'est extraordinaire, vous savez. Ça c'est toute cette presse subventionnée. Là, en l'occurrence, à Angers, c'est Ouest France, par exemple. Alors, vous avez tout. Vous avez les faits divers, hein, vous avez les viols, les coups de couteau, les meurtres, bon, ok. Mais il n'y a jamais aucune explication sur l'origine de cette inflation de crimes. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. C'est un fait divers. Voilà, on ne sait pas, voilà, on énumère, hein, voilà, on énumère, c'est un inventaire comme ça, mais on ne sait jamais pourquoi. Évidemment, nous, on le sait. Hein. Bon, c'est les halogènes, c'est l'invasion, vous le comprenez très bien. Sauf que ça prend des proportions de plus en plus significatives. Bon, ce qui appelle, par voie de conséquence, une réaction, en tout cas, chez une partie de la jeunesse autochtone. Je ne dirais pas chez toute la jeunesse autochtone, évidemment, mais chez une petite partie d'entre elles qui essaye de se retrouver entre elles, retrouver justement un esprit de solidarité communautaire. On en parlait dans le cas du guet, hein, où là, ça fait défaut. Donc, c'est une initiative qui est positive. Et évidemment, le gouvernement français, comme dans le cas de Bastion Social, parce que c'était à peu près c'était le même modèle, hein, c'est, on crée des bars associatifs, eh bien l'Alvarium a été dissous. Donc l'Alvarium, c'était un endroit, un bar associatif, où tous les jeunes blancs qui partageaient grosso modo des idées de droite, des idées nationalistes, identitaires, bon, chacun avec sa petite sensibilité, bien sûr, pouvaient se retrouver, voilà, pour créer ce lien-là, hein, voilà. Et alors, ben, ça ne plaisait pas à toute une série de personnes. On les connaît, hein, on les connaît. Bon, évidemment, les marxistes, Parti communiste, Antifa, bien sûr, Parti socialiste, évidemment. Donc toujours les mêmes, hein. Donc généralement des bonnes femmes, c'est toujours la même chose, hein. C'est des bonnes femmes qui travaillent dans la fonction publique. C'est toujours les mêmes profils, c'est des rombières, c'est des putains nègres de la fonction publique qui ne supportent pas que des hommes blancs défendent leur territoire. Pourquoi ? Elles ouvrent les portes. À qui ? À des mâles de couleur. Pourquoi ? Pour se faire sauter. Là, on est dans l'élémentaire, hein, là, hein, on est dans l'élémentaire. C'est ce qui se passe. Et le maire macroniste. Il est proche, lui, de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Alors, il s'appelle Béchu. Voilà, donc ça, c'est le maire bourgeois, quoi. C'est le maire bourgeois centriste, mais en fait, dont tout le logiciel et tous les réflexes sont des réflexes antifascistes. Donc, en fait, on a eu depuis la fondation, en fait, de l'Alvarium, de ce bar associatif, on a eu des actions de la part des groupes d'extrême gauche, qui sont, en fait, sont souvent des fils de profs, des fils de la bourgeoisie de gauche, c'est tout le temps comme ça, qui étaient dans la rue en train d'agresser des membres de l'Alvarium, qui s'en sont pris même à leurs locaux, etc. Donc vraiment de la violence rouge caractérisée. Et à chaque fois que les agressés, les victimes, donc en l'occurrence les membres de l'Alvarium, se défendaient, il y avait un papier dans la presse autorisée, c'est-à-dire Ouest France, là encore, hein, où toute la vermine d'extrême gauche sévit, on les accusait d'être les responsables de leurs propres agressions. Mais ça, c'est caractéristique, je veux dire, hein, c'est tout le temps comme ça. Hein. Les antifas attaquent des gens. Vous lisez la presse, vous découvrez en fait que pratiquement les antifas sont défendus, quoi. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est comme ça depuis 40 ans en France, au minimum. C'est déjà comme ça avec le Parti communiste. Mais avec les antifas, c'est depuis 40 ans. Et alors, en fait, à force de se faire agresser, et ça dit tout, hein, de l'époque, à force de se faire agresser, eh ben, le ministère de l'Intérieur a quand même décidé de réagir. Pour faire quoi ? Ben, pour dissoudre les agressés. Ah, il y a des agressions ? Ah ben c'est bien dommage. Ah ben on va y mettre un terme. On va supprimer les agressés. Il n'y aura plus d'agressions comme ça, techniquement parlant. Voilà, c'est ce que dit Darmanin dans un tweet, très officiel. Hein. J'ai engagé ce jour une procédure contradictoire. Bon, elle n'est pas du tout contradictoire. En fait. À l'encontre d'un groupement de fêtes d'ultra-droite, l'Alvarium situé à Angers, en vue de sa dissolution. Les nombreux faits constatés, les signalements répétés, de nombreux élus, dont le maire d'Angers, motivent cette action. Effectivement, alors on comprend bien, hein, là on est dans le marais macrono-rothschildien, les ordres ont été donnés, donc l'extrême gauche gueule, le parti communiste, le parti socialiste, c'est relayé par le maire macroniste, ça remonte place Beauvau, le CRIF applaudit, l'éloge rentre en action, voilà, une petite procédure pour donner à tout ça un semblant de légalité, et ce bar associatif qui, en fait, n'a jamais fait qu'une activité très... enfin, ne menaçant personne, je veux dire. Arrive à son terme. Voilà. Ça, c'était Bastion Social, c'était pareil. Bastion Social, c'était tout, je ne sais plus combien, des centaines de députés à l'Assemblée, mêlant pêle-mêle, hein, communistes, socialistes, macronistes, les rombières blanches en tête, exigeant la dissolution de Bastion Social, parce que là aussi, c'était l'horreur de l'abomination. Pendant ce temps-là, les salafistes font tout ce qu'ils veulent en France. Merci pour eux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Bah, alhamdoulilah. Non, oui, alhamdoulilah. Non, mais j'ai envie de dire, oui, alhamdoulilah, exactement. C'est un rituel aussi, c'est un rituel avant élection. Hein. Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a une élection non pas importante, il faut qu'ils dissolvent quelque chose d'extrême droite. Donc, ça doit être une sorte de rituel maçonnique, je ne sais pas. Mais bon, une fois de plus, ça n'a pas loupé, quoi. Quelle est l'organisation d'extrême gauche dissoute en France ? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle de la Ligue communiste révolutionnaire. Enfin, à l'époque, ce n'était pas la Ligue communiste, c'était un autre nom, mais c'était dans les années 60, quoi, je veux dire, mais avec ordre nouveau, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, il n'y a pas d'organisation d'extrême gauche qui sont dissoutes, ça n'existe pas. Il n'y a que les musulmans. Ces gens-là sont des indiques de police, donc forcément. Non, mais exactement. Non, mais en plus, là, dans le cas des antifas, c'est vraiment les fils, si vous voulez, des notables locaux. C'est pour ça qu'ils sont intouchables. C'est pas des antifas, enfin, je sais pas, dans la mystique, pour que les gens comprennent. Les antifas, c'est pas des ouvriers en lutte contre l'oppression fasciste. Ça c'est du folklore de plus de 100 ans, ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est des fils de notables de gauche qui ont des salaires dont vous ne pouvez même pas rêver, vous, si vous voulez, qui se détendent le week-end en jouant à la Révolution, d'accord ? Le week-end, hein. Bah, l'archétype, c'est Clément Méric. C'est Clément Méric. Fils de prof d'université, de fac. Voilà, exactement. Et ça, c'est la tête à claque typique de l'antifascisme, d'accord ? C'est-à-dire que c'est... Ouais, Clément Méric était une tête à claque, effectivement. Ouais, il encaissait mal, ça, c'est un petit peu dommage pour lui. C'est dommage, non, mais je veux dire, bon, à un moment, quand t'as une oui, gueule, oui, qui est un aimant à claque... D'ailleurs, voilà. Moi, j'ai pleuré le jour où il est mort. En plus, c'est malheureux, je veux dire. Non, mais en plus, Che Guevara aurait répudié quelqu'un comme ça, quoi. Au moins, Che Guevara a essayé de faire la révolution sérieusement avec des armes et avec une certaine virilité à sa façon, je veux dire, à sa façon, j'entends. Mais Clément Méric... Non, mais les antifas aussi, ils essayent. C'est-à-dire qu'ils vont voir des jeunes punks à chiens, c'est-à-dire des prolos désœuvrés. Ils leur promettent un petit peu d'argent et quelques bières et ils vont faire le coup de poing à leur place. Ouais, souvent, ouais, on dit ouais, eh ouais, eh ouais, oui. Les fachos, les faf, hein, t'as vu, ouais, ouais. Allez, viens, allez, tiens, t'as besoin un peu de chichon, tiens un billet, viens cogner à notre place. Ouais, ouais, antisocial. Et ouais. C'est le prolo désœuvré, débile, qui va faire le truc. Ouais, souvent, ils ont aussi essayé, ça me rappelle, je sais plus dans quel patelin c'était, je crois que c'était en banlieue parisienne, les antifas voulaient faire le coup de force face aux flics, et donc ils se sont rendus dans les banlieues pour essayer de soudoyer les nègres et les bougnoules. Ouais. Et en fait, ils sont fait agresser par les... ouais, ouais, je me rappelle de ça, ouais. Je me rappelle de cette histoire. Forcément, ouais. Mais, mais là, c'est vraiment une cabale, c'est caractéristique. Donc, il faut pas se fier, si vous voulez, aux étiquettes antifa. Tout ça, c'est des mots qui occupent énormément d'espace dans l'inconscient collectif, antifasciste, etc. Non, non. En pratique, qu'est-ce que c'est ? C'est des fils de notables de gauche qui font le boulot de leurs parents. Voilà, parce qu'en fait, voilà, ils aiment pas une organisation parce que leurs parents sont des socialos, mais bon, ils ont 60 balais, ça devient un peu difficile, 60 balais ou 50 balais, et voilà. Donc en fait, c'est ça, hein, voilà. Mais bon, n'en demeure pas moins que... Il y avait des reportages comme ça, sur les antifas, on voyait la rombière. Mais le pire, c'est que les journalistes le montrent. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils montrent. On voyait la rombière, la bourgeoise, dans son bel appartement style Louis Machin Bidule, en train de féliciter son Corentin d'aller lutter contre le fascisme. Ça, j'avais pas vu, mais... Eh ben oui, moi je l'ai vu, hein, je te promets. Non, mais de toute façon, en plus, il y a une lecture, pardonnez-moi, mais de classe à faire. Il y a aussi ça à faire, je veux dire. Aujourd'hui, qui c'est qui se retrouve dans la protestation de ce qu'on appelle l'extrême droite ou le populisme, etc. Bah, c'est les gars qui, socialement, se font écraser par la bourgeoisie dominante et ce système oligarchique. D'accord ? C'est ça. Donc, quand on vous fout... Enfin, concrètement, c'est quoi ? Bah, quand t'es un petit gars qui t'es payé au SMIC... Bon, bah déjà, tu vas pas choisir où tu vas vraiment vivre, ok ? Et là, tu vas te taper l'immigration de masse dans la gueule, qui est voulue par le grand patronat. Je veux dire, Bouygues, par exemple, Bouygues, le milliardaire Bouygues, qui depuis 50 ans, enfin, cette famille depuis 50 ans a semé la mort et la dévastation en France, d'accord ? Ils en vivent très très bien, ils se sont engraissés sur la mort de Français, assassinés par des Arabes qu'ils ont fait venir, et ensuite... comment dirais-je, mort rapidement effacé par des médias qui sont à leur botte, à commencer par TF1. Qu'est-ce que fait TF1 aujourd'hui ? Qu'est-ce que fait LCI aujourd'hui ? Ils se mettent à faire du wokisme. D'accord ? Donc on fait de l'extrême-gauche intersectionnelle. On fait la promotion de l'extrême-gauche intersectionnelle. Là, si vous voulez, vous devez commencer à réfléchir. Vous dire, attendez, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Une chaîne du grand capital français, comme TF1 et LCI, et du BTP, avec quelqu'un derrière comme Bouygues, fait la promotion des théories les plus radicales de l'extrême-gauche américaine. Donc ce qu'on appelle le wokisme, là, qui envahit un petit peu tout aujourd'hui. Là, vous devez dire, attendez, il y a un problème, là. Parce que si vraiment cette idéologie combattait le capitalisme, comprenez bien que le capitalisme ne serait pas en train de la financer et d'en faire la promotion. En revanche, LCI, TF1, donc la chaîne de Bouygues, fait la promotion du wokisme contre l'extrême droite et les idées de l'extrême droite, notamment la résistance à l'immigration. La conclusion, c'est quoi ? Ah bah visiblement, ces milliardaires ont un problème avec les gens qui s'opposent à l'immigration de masse. Visiblement, c'est tellement un problème qu'ils sont d'accord de faire la promotion de l'extrême gauche qui, elle, y est favorable, qui est favorable au sans-frontiérisme. Donc oui, le marxisme intersectionnel est soluble dans le grand capitalisme, d'accord, à la différence du nationalisme, visiblement. Visiblement. Et donc, il y a une analyse de classe à faire. Qui c'est qui se retrouve dans le vote? Parce que même, je sais pas, enfin, le vote Marine Le Pen, le vote Zemmour, par exemple, je veux dire, nonobstant de ce qu'on pense de ces personnes, de ces personnalités, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, si vous voulez, qui sont aux abois. Ils subissent cette politique de remplacement de population, plébiscitée encore une fois par l'oligarchie et ses médias. Il n'y a pas tellement d'options. Alors, ceux qui vont voter, parce que beaucoup ne votent plus, mais ceux qui vont voter votent Zemmour, machin. Et là, on leur met dans la gueule des têtes à claque antifascistes qui sont des fils de notables locaux qui sont intégrés dans l'appareil politique de domination. D'accord ? Je veux dire, Béchu, c'est frappant quand même, Béchu, le maire macroniste d'Angers, est le représentant de l'oligarchie au pouvoir. On est d'accord ? C'est pas l'avant-garde prolétarienne quand même. Bon. Et le mec reprend la phraséologie des antifascistes. C'est-à-dire que les antifascistes sont dans la rue et ils disent « fermons l'alvarium ». C'était comme ça, hein. C'est relayé par la presse, Ouest France, Nantes ma ville, AngersMaVille.fr, d'autres médias locaux. On voit les antifas « fermons l'alvarium ». Et là, il y a le maire de la grande bourgeoisie qui dit « oui, oui, je ferme l'alvarium, je félicite Darmanin de fermer l'alvarium ». Attendez, comment ne pas voir l'unité, si vous voulez, du front antipopulaire. Je veux dire, c'est clair, voilà, c'est l'union de la bourgeoisie contre le petit peuple blanc. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, on retrouve évidemment les raclures de fils de prof, les raclures de fils d'élus, en train de jouer les pseudo-guévaristes. Sous les caméras de la presse du régime. Voilà. Ouais. Mais c'est le théâtre. Mais c'est bien scénarisé. Les apparatchiks du parti du génocide des Blancs. Ouais, parce qu'ils font du fric avec, hein. C'est tout, hein. Ils font du fric avec, hein. Oui, faut comprendre qu'à Nuremberg, il n'y a pas que le nationalisme qui a été condamné. Ça a été aussi la mort totale de la gauche. C'est-à-dire de tout ce qui a pu, à une certaine époque, avant cette date-là, avoir un peu de valeur dans les idées de gauche. Et la mort de la gauche, c'est l'antifascisme. Et c'est tous les anti. C'est l'antiracisme. C'est la lutte contre l'antisémitisme. Et toutes les merdes ensuite qui viennent avec, le woke, etc. Depuis cette époque-là, ces gens-là, le peuple, c'est fini. Ça ne les intéresse plus. Ils ont totalement trahi. S'il y a pu avoir quelque chose de valable dans la gauche à une époque, maintenant, c'est terminé. Oui, c'est vrai ce que tu dis, qu'il y a eu un moment où la gauche avait des idées valables. Quand on voit, par exemple, les conflits sociaux qui ont eu lieu au 19e et au 20e siècle, les conditions des travailleurs, oui, effectivement, ce sont des gens de gauche. Il y avait des choses justes de la... Non, exactement. Pas le contraire. Les mecs qui ont réussi à faire en sorte que les ouvriers des conserveries, par exemple, dans le Finistère, puissent être rémunérés correctement et non pas traités quasiment comme les esclaves, oui, ce sont des gens de gauche. Effectivement. Mais comme tu dis, à un moment, ils sont. Étant donné que l'ouvrier, le prolétariat, c'est quelque part, c'est pas émancipé, mais ses conditions de vie ont augmenté, il n'y avait plus vraiment d'objet. Et c'est vrai que lorsque tu couples ça à la Seconde Guerre mondiale, à la défaite de l'Allemagne nationale socialiste, on a une gauche qui, pour continuer d'exister, en fait, est devenue anti-blanc. Exactement. Alors eux, ils disent évidemment, ce sont les ouvriers qui ont trahi. Hein. C'est ouais. Comme ça qu'ils l'expliquent. Moi, il y a une question que je me pose de temps en temps, c'est que je me dis, qu'est-ce qu'aurait donné en fait la gauche française, bon, ça sort un peu du cadre, mais qu'est-ce qu'aurait donné l'alliance française, par exemple, entre Jaurès et d'autres socialistes à l'international, vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, s'il n'avait pas été assassiné par un membre de la droite de l'Action française, par Édouard Vaillant. Parce qu'effectivement, tu vois, rétrospectivement, quand tu vois les positions de la gauche de l'époque, quelque part, je me dis des fois que je suis pas si loin de ça, quoi. parce que les mecs voulaient, au nom du socialisme et de l'entente entre les peuples qui à l'époque étaient blancs, ne pas participer à la Première Guerre mondiale. Ils voulaient faire des blocus partout pour que les ouvriers n'aillent pas se faire écharper sur le front, quoi. Et on sait tous que bah, la Première Guerre mondiale, c'est un des clous qui nous a vraiment mis dans le rouge, quoi. Puis après, le dernier, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est ce qui explique le tout. Alors, c'est intéressant. Là, on est au cœur finalement de la discussion. Donc, je vais revenir hein, sur juste ce que tu viens de dire, Captain. Mais vous savez justement que donc l'Alvarium est régulièrement attaqué, non seulement dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont des comptes officiels. Hein, et l'Alvarium essaie de répondre. Enfin, l'équipe de l'Alvarium essaie de répondre à certaines attaques. Et alors, il y avait des antifascistes. Qui disaient, oh mais regardez, parmi les livres, la littérature qu'ils proposent à leurs membres, je pense qu'ils ont un espace avec des livres qu'ils proposent, quoi, hein, aux membres qui viennent, qu'on peut les emprunter ou les parcourir quand on vient dans le bar. Il y en avait un qui était L'Aryen et son rôle social, de Lapouge. Et alors, comment dire, il y a un antifa, quoi, sur les réseaux sociaux. Qui dit, ah, regardez, c'est bien la preuve hein, que c'est des nazis, etc. Voilà, regardez ce bouquin-là, L'Aryen et son rôle social, blablabla. Et là, les gars de l'Alvarium ont eu évidemment beau jeu de répondre en disant, oui, mais l'auteur Lapouge est un marxiste et un militant socialiste qui a contribué d'ailleurs à la mise en place de l'Internationale socialiste. Et là, l'Alvarium de souligner, vous démontrez bien votre inculture totale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça, c'est la culture gauchiste de l'antifa de base. C'est-à-dire que ces mecs-là ne comprennent pas que la question raciale n'était pas une question, entre guillemets, de droite au XIXe siècle. C'était une question scientifique. Et le socialisme. Se voulait, et notamment sous Marx, se voulait une analyse scientifique de la question sociale. Et d'ailleurs, Marx était extrêmement admiratif de Darwin. Donc, on était là dans l'école du matérialisme et du réalisme, ce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui cette dégénérescence gauchiste. Alors, je ne suis pas un marxiste, puisque je ne me reconnais pas du tout dans les présupposés du marxisme, évidemment, mais je veux dire, il y avait quand même un sérieux intellectuel. Il y avait au moins un sérieux intellectuel et beaucoup de militants socialistes, même non marxistes, étaient des gens qui ne niaient pas du tout la réalité raciale, au contraire, qui s'y intéressaient énormément. Et ça n'a rien de contradictoire, en fait, en soi. Et on a eu des gens comme ça, au XIXe siècle, des socialistes qui se sont intéressés en profondeur à la question raciale et qui ont été même des fondateurs de la compréhension du rôle de la race dans les sciences sociales, en fait. Et c'est notamment le rôle de Lapouge. Donc, il n'y a rien, si vous voulez, de surprenant. Mais pour un gauchiste, c'est totalement surprenant. Parce qu'un Bah gauchiste, oui. voilà, c'est ça le Mais truc. tu prends Marx, tu parlais de Marx, mais Marx, la question raciale, il l'avait bien comprise. Et le grand remplacement, il l'a senti venir. Quand il parle de l'armée de réserve du capital, que demain, pour remplacer un blanc, on fera venir trois Chinois, il le dit, ça. Il l'a vu venir, ça. Chapitre 40 du Capital. Et voilà. Mais le problème, c'est que, bon, je vous dis, voilà, le gauchisme, il est mort à Nuremberg. De même que sur Alors, le gauchisme, l'antisémitisme non, non, aussi. non, non, le gauchisme n'est pas mort à Nuremberg. Tu veux dire que, on va dire, toi, tu dis que, toi, c'est ce que tu dis, tu dis que la gauche sociale est morte à Nuremberg, pour ce qui est une Voilà, option. excusez-moi, j'ai mal choisi mon mot, bien sûr. Alex, ouais, tu voulais pas entendre. Oui, Alexis, tu. une petite chose, oui, sur il y avait des gens qui pouvaient être marxistes ou socialistes et qui s'exprimaient sur les questions raciales, qui reconnaissaient la réalité des races. Il y a aussi une question importante, c'est l'antisémitisme qui se développait beaucoup dans les milieux socialistes et communistes. Bakounine, même Marx lui-même, dans le livre qu'il a écrit, La question juive, ont déterminé des influences néfastes venant des milieux bancaires juifs, etc. Et voilà, si on lit du Bakounine, on trouvera des passages. Alors les gauchistes pourraient dire, ah oui, c'est l'extrême droite, c'est le nazisme. Bah non, c'est Bakounine qui participait à l'internationale avec Marx, à la deuxième internationale, par exemple. Oui, on peut citer aussi Proudhon, hein, qui sur la question juive a été absolument clair. Hein. Je veux dire, là, c'est plutôt dans la tendance anarchiste et fédéraliste anarchiste. mais Proudhon est un antisémite. Et qu'est-ce que dit Proudhon? Il dit, eh ben, le juif est un parasite racial qui exploite la puissance de travail du producteur aryen. Bon, alors, on n'est pas moi, je ne me reconnais pas, si vous voulez, dans la possibilité de l'anarchisme, même dans sa formule fédérative, mais à n'en pas douter, intellectuellement, j'ai une certaine sympathie pour Proudhon. En tout cas, il y a une radicalité et un diagnostic assez juste sur certaines choses qui est manifeste chez Proudhon, hein, voilà, et tout ça est passé à l'as, parce qu'en fait il y a une relecture du socialisme après Nuremberg. C'est un peu ce que dit Porovitch, c'est-à-dire qu'en fait après Nuremberg on a condamné la question raciale et la gauche s'est bâtie sur l'antiracisme, voilà. Enfin, le communisme a continué sa route, hein, parce que bon, le communisme ne faisait pas, enfin, je veux dire, avant Nuremberg, le communisme n'exaltait pas le racisme. Mais disons que c'était pas vraiment une question très importante. Mais après Nuremberg, c'est devenu fondamental, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pour la gauche, commencer en disant nous sommes antiracistes, c'est-à-dire que nous nions l'existence des races. Et on y est encore là-dedans. Il faut se comprendre, hein. Quand on dit « on nie, nous nions l'existence des races », comprenons-nous bien, hein, contre la race blanche. Contre la race blanche. Et c'est ce qu'on voit maintenant aux États-Unis, c'est qu'en fait, finalement, on nie pas tellement l'existence des races, parce qu'on en fait l'exaltation, et moins il y a de blancs, plus on en fait l'exaltation. C'est-à-dire qu'on nie l'existence des races simplement pour empêcher l'homme blanc de cultiver sa fierté raciale. C'est pour ça qu'on a réprimé à ce point ce qu'on appelle le racisme, d'ailleurs, mot qui a été complètement dévoyé de son sens premier. Mais maintenant que l'homme blanc, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce que pense la gauche et ce que pensent les intellectuels juifs et ce que pensent même les agitateurs halogènes, maintenant voilà, ça y est, ils vont pas tarder à disparaître, grosso modo. Ça y est, maintenant, là, on peut y aller, on peut franchement revendiquer notre chauvinisme racial, il n'y a plus de problème. Et là, tout d'un coup, ah bah en fait, non, la race, c'est très cool, on peut y aller, et puis ça ouvre la voie à toutes les revendications possibles d'ordre racial, quoi. Donc, c'était très hypocrite, bien sûr, quoi. Mais pour en revenir à l'Alvarium, donc, c'était marrant de voir, en fait, que les antifas sont des crétins. Qui ne connaissent même pas, si vous voulez, les... Qui connaissent rien, quoi. C'est des abrutis. Par rapport aux gens de leur école de pensée, j'entends. Hein, je veux dire, je dis pas que c'est des abrutis parce qu'ils connaissent pas des auteurs de droite. On s'entend. Ils connaissent pas les grands auteurs socialistes. Et ils ne connaissent pas... ils font semblant de pas comprendre, quoi. Je veux dire, mais... Ouais. Ils sont cons, mais par contre, ils ont très bien compris leurs intérêts de classe. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est les gauchistes, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas les gauchistes, il n'y a pas qu'eux. Mais les gens en général, c'est l'époque qui fait que les gens sont vraiment plus cons qu'à l'époque. Oui. Vraiment. Je veux dire, déjà, le niveau scolaire s'est effondré. Il n'y a qu'à voir les comparaisons qui sont faites des fois entre un brevet des collèges ou son équivalent en 1920 qui équivaudrait à un bac d'aujourd'hui, voire plus. Bon, bah ça, c'est pas des foutaises, quoi. Moi, je vois des gens qui sont profondément de ce qu'on appelle aujourd'hui de la gauche, qui sont des doctorants, qui ont un certain âge, et qui ne connaissent même pas, effectivement, comme tu dis, leur classique. Quand tu leur dis qu'en 1980, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, président du Parti communiste en France. C'est cool, parce qu'il y a une vidéo très connue Raymond Barre, de Georges Marchais, dans lequel tu l'entends bien dire que oui, il est solidaire avec les travailleurs immigrés, mais qu'en France, on est quand même français, donc on est blanc, en fait. Il le dit. Et ça, quand tu dis ça à un gauchiste, il va dire, c'est Marine Le Pen qui a dit ça, c'est raciste de Le Pen. Elle se dit, non, c'est président du Parti communiste dans les années 80 en France. Là, il dit, le gars, il tombe des nues. Il dit, non, mais mec, je veux dire, à un moment, pourquoi est-ce que tu votes, en fait? Pourquoi est-ce que tu as le droit de voter si t'es suffisamment con pour pas connaître tes classiques et connaître les gens de ton bord et savoir ce qu'ils te pensaient avant que tu sois chié sur cette planète? Bon, à un moment, j'ai envie de dire, ferme-la, quoi. Mais c'est... Et malheureusement... C'est en cela que le national-socialisme a posé une menace mortelle à la fois pour le grand capitalisme et pour le bolchevisme. Puisque, en fait, si vous voulez, dès l'origine, bon, il y a les origines sémitiques hein, de l'équation, mais même au-delà de ça, à Yalta, on a vu la grande finance internationale juive s'allier au camp judéo-communiste mené par l'Union soviétique. Bon. Et face à quoi? Face au bloc national-socialiste. Bon, il y a le mot national, mais il y a le mot socialiste. Donc en fait, la grande prouesse d'Adolf Hitler, c'est d'avoir réussi en Allemagne à arracher les ouvriers qui étaient rongés par la démagogie marxiste et soviétisante pour la ramener dans le camp national. Mais il l'a pas ramené dans le camp bourgeois. Ça, c'est très différent. C'est ça la grande force. C'est pour ça que les démocraties ont tout fait pour détruire l'Allemagne hitlérienne. Et pour ça que l'Union soviétique aussi a tout fait pour détruire l'Allemagne hitlérienne. C'est-à-dire que l'Allemagne hitlérienne, avec sa formule, posait un problème aux deux camps. Un problème existentiel. Et les deux composantes étaient indissociables l'une de l'autre. Il ne pouvait pas avoir un camp national sans un camp social. C'est-à-dire que le social avait besoin du national respectivement. Les deux se fondaient. S'il n'y avait que du social, on tombait dans le socialisme au sens marxiste du terme. S'il n'y avait que du national, en fait, on restait sous la coupe de la bourgeoisie. C'est ça la proposition hitlérienne. Et c'est pour ça que ça a posé un tel problème aux pontes du socialisme bourgeois tel qu'il existait en Europe avant l'avènement du national-socialisme, qui est un vrai mouvement révolutionnaire, et aux communistes, qui flattaient les ouvriers, mais qui ne leur proposaient en fait que l'esclavage collectiviste. Donc c'est en ça que, si vous voulez, la formule reste d'actualité, et encore plus d'actualité aujourd'hui, parce que vous voyez les mêmes continuer à se serrer les mains. Moi, je trouve ça formidable. C'est qu'en fait, à Angers, en quelque sorte, si vous me permettez, on a affaire à un petit Yalta. Là, c'est un petit Yalta républicain, voyez, de province, entre tous les tocards de ce régime en train de crouler sous les rombières et sous les Afghans. Voilà, donc on voit là le maire, voilà, macroniste, etc. Alors, lui, il nage dans le fric, tout va bien. Et puis, serrer la pince, tu vois, aux militants du Parti communiste, tu vois, je ne savais même pas qu'il y en avait encore. Pour lutter contre la bête immonde, tu vois, c'est en fait quelques jeunes blancs qui se retrouvent dans un bar associatif, parce qu'en plus, quand tu dis, putain, c'est formidable, oh là là, ces gens qui passent l'année à jouer au théâtre électoral et politique dans la presse en s'insultant de tous les noms, etc., visiblement, ils ont trouvé enfin un point d'accord, c'est pour se débarrasser d'une menace formidable. Et quelle est cette menace formidable? Bah, c'est juste des jeunes blancs qui veulent se retrouver autour d'une bière. Je veux dire, c'est que vous avez quand même face à vous un régime qui est en bout de course, quoi. Ils sont quand même au bout, quoi. Ils sont au bout. Alors, malheureusement, comme il n'y a pas plus d'hommes blancs, si vous voulez, qui se coalisent pour se défendre, ouais, ils restent en haut de la chaîne alimentaire, tous ces gens. Mais franchement, faut pas qu'il y ait un choc, hein. Parce que s'il y a un choc, entre les comment dirais-je, là, les greluches, là, de la gauche socialiste et les vieux bourgeois fatigués du macronisme, là, je veux dire, parce que ces mecs-là, ils vont pas tenir des barricades au coin des rues. Hein. Non, d'ailleurs, si un jour ça pète, j'espère qu'on va les mettre, on s'en servira de barricade plutôt. Moi, je m'en servirai pas, hein, je veux dire, moi, je propose. Ah, si, si. Soleil vert, tu les mets dedans. Soleil vert, hein. Voilà, un petit Yalta provincial du pauvre pour venir à bout d'un bar associatif. Je veux dire, bon, bah, si ça, c'est la gloire de l'antifascisme, excusez-moi, ça fait pas tellement fantasmer quand même. Bon, bah, j'espère qu'ils ont quand même quelques drapeaux avec Che Guevara pour donner le change, parce que sinon, ça va faire court quand même. Hein. Niveau mystique révolutionnaire, moi, je reste sur ma faim. Hein, je veux dire, le régime ne tolère plus d'organisation politique qui représente vraiment les intérêts des couches populaires blanches. Ça, c'est manifeste, c'est clair, c'est évident, c'est le sens de ces dissolutions, etc. Comme One Nation, hein, en gros, hein. Grosso modo, il n'est plus possible pour des Blancs de s'organiser. Des Blancs de catégorie populaire ou même de la classe moyenne, hein, qui essaieraient de défendre leurs intérêts en s'organisant entre eux, etc. Ou même en ayant simplement un espace pour eux. Vous n'avez plus le droit d'exister. Et ça, cette disproportion entre ce besoin atavique, manifeste, quoi, de dissoudre, alors que quand on regarde ce dont il s'agit, finalement, bon, c'est des bars associatifs, et après, il n'y a rien de formidable, c'est pas une légion qui est en marche, quoi. Là, on se dit que chez eux, ça va très mal, en fait. Ça traduit vraiment, à mon avis, une crise profonde que traverse la classe dirigeante, hein, la bourgeoisie dirigeante. Hein. Ils sont profondément en crise. Ils savent que ce système est en train de se casser la gueule. Et du coup, ils se demandent d'où ça va venir. Et donc, ils prennent aucun risque et ils disent, bon voilà, dès que ça ressemble à une petite organisation, paf, on écrase, on dissout, on censure, on interdit de financement, on traîne devant les tribunaux, voilà, c'est-à-dire que, paf, voilà, on est dans ce moment-là. Le grimoire de Merlin. Bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des spéléologues de la haine qui souhaiteraient atteindre le fond de la vérité pour mieux démêler l'enjuivement total des esprits souhaitant redevenir libres. Alors cette fois, je vous ai concocté une émission un peu spéciale, mes petits goy. Je vous ai mis de côté une petite brochette d'écrivains français, hein, entre guillemets. Vous allez me dire, qui sont ces écrivains? Qui? Ta gueule, toi! Eh bien, vous aurez raison de me demander, car il ne s'agit pas de Français, mais d'écrivains juifs qui écrivent en France pour les Français. Et pour certainement vous pisser dessus. Mais on va regarder ça de plus près, quand même. Hein. Donc, j'entre dans le vif du sujet avec un premier youpin nommé Albert Memmi, qui a écrit un livre appelé « Portrait d'un juif », datant de 1962, pour nous apprendre que... Nous vivions dans l'attente enthousiaste de temps nouveaux, inouïs, et en croyant voir déjà les signes précurseurs. L'agonie des religions, des familles et des nations. Nous n'avions que colère, mépris et ironie pour les attardés de l'histoire qui se cramponnaient à ces résidus. Voilà donc pas mal pour une salope de juifs qui débarque chez nous depuis la Tunisie. Puis nous avons Pierre Lévy, qui joue les sociologues philosophes pour nous raconter en l'an 2000, via son bouquin « World Philosophy », nous allons comprendre que l'Orient et l'Occident sont promis au mariage et qu'ils s'augmenteront l'un de l'autre. À ce moment-là, seulement, l'humanité deviendra une avec elle-même. L'idée de nation est devenue une impasse. Les frontières sont des ruines, encore debout d'un monde révolu. Elles ne servent plus qu'à abriter des criminels. L'abolition des frontières et la liberté de l'immigration sont les dernières révolutions à accomplir. Nous avançons un grand pas vers la proclamation de la Confédération planétaire. Imaginez la fête mondiale qui s'ensuivra. Il n'y a plus de famille, plus de nations qui tiennent. On divorce, on émigre, on change de région ou d'entreprise. Consommons donc afin d'orienter le développement humain plutôt que pour nous chercher des identités. Donc, vous l'avez bien entendu, bande de sourasses de goy, vous devez être des zombies qui consomment des trucs. Ça pourrait plaire aux juifs, donc voilà, essayez d'y réfléchir, de faire un effort. Ensuite, nous avons Edgar Morin, qui nous explique des choses, entre autres dans ses livres « Terre-Patrie » en 1993 et « La méthode, volume 6, éthique » de 2004. « Nous souhaitons le développement des réseaux dans le tissu planétaire. Nous appelons au métissage !» L'association humaine à laquelle nous aspirons ne saurait se fonder sur le modèle hégémonique de l'homme blanc, adulte, technicien, occidental. Elle doit au contraire s'élever et réveiller les ferments civilisationnels féminins, juvéniles, séniles, multiethniques, multiculturels. On ne saurait se masquer les obstacles énormes qui s'opposent à l'apparition d'une société monde. La progression unificatrice de la globalisation suscite des résistances nationales, ethniques, religieuses, qui produisent une balkanisation accrue de la planète. Et l'élimination de ces résistances supposerait, dans les conditions actuelles, une domination implacable. Alors là, c'est pareil, les goïms, hein. Arrêtez de résister, abandonnez vos 2000 ans de civilisation pour aller consommer de la merde et baiser avec des grosses négresses à plateau. Laissez les juifs prendre le reste en charge. Alors maintenant, juif suivant, nous avons Emmanuel Lévinas qui se lâche dans son bouquin « Difficile liberté » de 1963 pour vous expliquer pourquoi vous devez écouter les youpins et baisser les yeux lorsque ces enculés viennent tout réorganiser chez vous. Nous, les juifs, avons la réputation de nous croire peuple élu, et cette réputation fait bien du tort à cet universalisme. Mais l'idée d'un peuple élu ne doit pas être prise pour un orgueil. Elle n'est pas conscience de droits exceptionnels, mais d'exceptionnels devoirs. Les juifs sont nécessaires à l'avenir d'une humanité qui, à force de se savoir sauvée, n'a plus rien à attendre. La présence des juifs rappelle aux conformistes de toute espèce que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Contrairement aux histoires nationales, le passé d'Israël, comme une civilisation antique, se fixe au-dessus des nations, tel un ciel étoilé. Nous sommes l'échelle vivante qui rejoint le ciel. Le judaïsme promet une renaissance, une joie de la possession de soi dans le tremblement universel, une lueur d'éternité à travers la corruption. Voilà, Israël au-dessus des nations et les juifs sont nos anges gardiens pour nous sauver de la corruption. Donc pour faire simple, avec ces démons, vous inversez simplement et diamétralement ce qu'ils disent pour obtenir la vérité. Ces putains de rats sont la définition même du parasite au plus haut niveau d'une société. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. Mais on va arriver. Ça va, fermez vos gueules. On peut pas laisser. Oh, vos gueules. Voilà je vais vous faire enculer, je parle des juifs si je veux. Vos gueules. Putain, c'est fatigant, hein. Couchez, pas bouger, les salopes, d'accord. Et pour finir, nous avons Shmuel Trigano, qui tire un peu les conclusions de ce que je vous ai cité plus haut et qui ne comprend pas trop certaines réactions. Alors Shmuel Trigano s'interroge en vain dans son livre « L'idéal démocratique à l'épreuve de la Shoah » de 1999. L'un des plus grands mystères de la modernité est sans aucun doute le phénomène antisémite. Resté inexpliqué malgré une bibliothèque immense sur le sujet. On n'a pas compris jusqu'à ce jour pourquoi les hommes modernes, les citoyens du Demos, se sont attaqués à d'autres citoyens sous prétexte qu'ils étaient juifs. Le plus grand historien de l'antisémitisme, Léon Poliakov, a écrit une grandiose histoire du monde à travers le prisme de l'antisémitisme. Mais à le lire, on ne sait toujours pas pourquoi c'est arrivé aux juifs. Le phénomène antisémite est ainsi assurément un des phénomènes les plus importants restés aussi mystérieux que le fascisme ou le totalitarisme. La Shoah obligeait la conscience juive à une responsabilité envers les hommes. Le génocide engageait l'homme moderne et enjoignait donc à la conscience juive de produire une réponse à la modernité défaillante, un rachat. En assurant leur singularité, les juifs étaient ainsi témoins de l'humain. Il ne s'agissait pas d'effacer la spécificité du martyr juif dans un universel abstrait, mais de la considérer au centre du destin humain universel. Et voilà donc un bel exposé de la littérature française, entre guillemets, hein, vous l'aurez compris. Alors maintenant, interrogation, mes petits goy, j'attends vos réactions. Hein. Quelqu'un? Ah oui. Tout ça, c'est de la faute des juifs. Ah, tout à fait, Kevin, 20 sur 20. Donc l'émission touche à sa fin, mes petits goy, et je vous quitte avec un petit proverbe de mon cru. La haine en soi ne sert à rien, mais bien orientée, elle amène la justice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve prochainement pour plus de juiverie intersidérale. C'était Merlin, suce au sarrasin. Dernière rubrique de cette émission, dégénérescence, on pourrait même appeler ça Weimar en fait, hein, Weimar fois 1000. On va en Allemagne, résultat des élections. Alors vous savez, en Allemagne on vote aussi, hein, il n'y a pas qu'en France qu'on va voter là pour sauver la France. Hein. En Allemagne aussi on votait et on a les résultats. Alors accrochez-vous, c'est carabiné. Je lis cet article de l'AFP cité par France 24. D'accord. C'est donc écrit par des journalistes français, et plus particulièrement par une journaliste française, dont le nom d'ailleurs m'échappe, mais c'est pas très important. Alors, plus de jeunes, plus de députés issus de l'immigration. La nouvelle chambre des députés allemands tient mardi sa première session, et c'est un Bundestag plus divers qui fait sa rentrée. Sur les 735 députés, 83 sont issus de l'immigration, et près d'un tiers de la représentation fédérale à moins de 40 ans. Seul bémol, alors, en tout cas d'après la journaliste française qui relate les faits, la représentation des femmes qui ne constitue encore que 24% de l'Assemblée. Putain. Il y en aurait 2%, je commencerais déjà à tourner de l'œil, mais là, il y en a 24%, et la rombière de France 24 et de l'AFP est en train de tousser. Bref. Plus de jeunes, plus de femmes, plus d'élus issus de l'immigration. La nouvelle Chambre des députés allemands, qui tient mardi 26 octobre sa première session, fait souffler une brise de diversité, mais est encore loin, hélas, de représenter la société. Un mois après les législatives du 26 septembre, c'est l'heure de la rentrée pour les 736 élus du Bundestag. Cette assemblée aura la responsabilité de désigner officiellement le nouveau chancelier, très probablement Olaf Scholz. Lorsque son parti social-démocrate, donc le SPD, vainqueur du scrutin, aura bouclé ses négociations de coalition avec les écologistes et les libéraux. Donc quand on parlait de coalition type Yalta, là on y est, hein, c'est exactement ça. Hein. Donc vous avez les capitalistes, vous avez les socialistes et vous avez les écolo-communistes. En attendant de voir son successeur s'installer à la chancellerie, Angela Merkel prendra mardi place à la tribune d'honneur du Parlement. Son gouvernement n'est plus en charge que des affaires courantes et elle-même, pour la première fois en 31 ans, n'a pas brigué de mandat de député. Chez les 118 députés verts, troisième groupe derrière les conservateurs et les sociaux-démocrates, les deux plus jeunes élus ont 23 ans. Les jeunes électeurs ont largement porté ce renouvellement. Ils sont principalement plébiscités par les écologistes, mais aussi les libéraux, comme la députée Ria Schröder, FDP, oui, Parti libéral, très active sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages et ça permet de mesurer ce qui est important pour les électeurs, explique-t-elle à France 24. Donc à Frankreich, tu vois, 24. De ce nouveau Parlement, la jeune députée espère de grandes avancées, notamment sur l'éducation, le numérique, la protection du climat et l'innovation, dit-elle. Je veux qu'on fasse de grands pas en avant et qu'on ne se contente pas du plus petit dénominateur commun, qu'on soit courageux. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, Ria Schröder. Autre sensation en Allemagne. Une femme noire va pour la première fois siéger au Bundestag. Ah oui, ça fait sensation. Membre des Verts, alors accrochez-vous, hein. Avete Zweijaeus, c'est imprononçable, c'est criminel, rien que pour ça, on devrait les faire arrêter. 47 ans, est née en Érythrée, arrivée en Allemagne à l'âge de 10 ans, cette avocate de Kassel, dans le centre du pays, a consacré, devinez quoi, sa carrière à quoi ? À défendre les droits des immigrés et des réfugiés. Ah bah oui, forcément, une fois arrivée en Allemagne, qu'est-ce qu'a fait la négresse? Bon, techniquement, c'est une érythréenne, c'est pas une négresse. Mais bon, passez-moi le truc. Donc la créature africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer les cousins, elle fait rentrer toute l'Afrique, évidemment. Nous avons besoin de diversité dans ce pays, plaide-t-elle dans un entretien à l'AFP. Nous avons besoin que les personnes victimes de racisme soient mieux représentées. Alors là, il faut traduire, ça veut dire qu'il faut faire payer les Blancs. Voilà, j'ai foutu le pied dans la porte, je suis en Allemagne, il faut faire payer ces sales Allemands-là qui nous haïssent, hein, nous haïssent tellement qu'ils nous importent chez eux, et nous foutent dans leur parlement. Alors, avec Karamba Diaby, d'origine sénégalaise, ça fera plaisir à Asselineau, qui va devoir arrêter d'haïr l'Allemagne, du coup, là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qui fut le premier député noir élu dans l'ex-RDA, et Armand Zorn, arrivé du Cameroun. Ah bah c'est bon, là, Asselineau va brandir le drapeau allemand maintenant, c'est garanti. À l'âge de 12 ans, ils seront les trois seuls noirs dans une assemblée. Ah, ça va pas assez en plus, trois seuls noirs. Une seule assemblée largement dominée par des hommes et des blancs. Alors là, je cite la journaliste de France 24. Hein. Armand Zorn, SPD, donc socialiste, fait partie des 735 députés du nouveau Parlement allemand. Il y a beaucoup de fierté, mais je ressens aussi la responsabilité, confie-t-il à France 24. Je présume en français d'ailleurs. Ce dernier a rejoint le Parti social-démocrate en 2011 et fera désormais la navette entre sa circonscription de Francfort et le Parlement à Berlin. Vous ne pouvez pas imaginer ce à quoi je pense en ce moment exactement. C'est compliqué quand même. Il faut aussi avouer que lorsque l'on voit les anciennes assemblées parlementaires, franchement, il n'y avait pas beaucoup de représentation. Du coup, on vient de très loin et ce petit saut en avant représente beaucoup, poursuit-il. Voilà, c'est bien, il y a plus de nègres, mais il en faut plus, hein, nous dit le brave Camerounais, là, le Camerounais, le Camerounais, la Francfort, et nous, là, c'est une avancée, le Francfort, comme lui. 83 députés du nouveau Parlement sont issus de l'immigration et près d'un tiers de la représentation fédérale à moins de 40 ans. En effet, le nombre de députés d'origine étrangère augmente. Aujourd'hui, ils représentent 11,3% du Bundestag contre 8,2% 58 députés dans la précédente assemblée. Donc ça monte en fait, ça monte, parce qu'il y a de plus en plus de métèques en Allemagne, donc ça monte. Nous assistons à un réveil politique, constate Deniz Nergiz, donc Merguez, qui elle vient de Turquie, hein, c'est une directrice du Conseil fédéral de l'immigration et de l'invasion. Ah non, de l'intégration, pardonnez-moi, qui promeut la participation politique des personnes étrangères. Vous ne savez rien dire, c'est l'invasion, quoi. Également parmi les nouveaux élus, alors là, voilà, la Mia Kador, alors ça ne s'invente pas. Elle est grosse, une Syrienne, mais grosse, hein, vraiment enflée. Comme Laetitia Avia, un peu, si vous voulez. Elle est grosse, on dirait un gros kebab. Voilà. Donc, qui donne des cours de religion islamique, donc dans des cours d'islam, en fait, hein, dans des écoles de la Ruhr. Un sujet, non, mais ça ne s'invente pas. Hein. Un sujet âprement discuté ces dernières années en Allemagne. Oui, la conquête islamique. Il y a des camions qui roulent, effectivement, à Noël, ça arrive des fois. Mais même avec plus de diversité, le Bundestag est encore loin de représenter la société allemande. Alors ça, c'est une petite larme quand même de la journaliste française, là, de France 24. Nous sommes encore loin derrière les 26% de personnes d'origine étrangère dans l'ensemble de la société, explique Deniz Merguez, envoyée donc d'Erdogan en Allemagne au titre donc de l'occupation mahométane du pays. Hein. Alors, le même constat peut être dressé pour le nombre de députés EES, hein, donc pour les femmes, hein, largement sous-représentés dans un pays qui vient pourtant d'être gouverné pendant 16 ans par une femme. Ah oui, et de quelle manière? Elle ne constitue encore que 24% de l'Assemblée contre 20% sous la précédente législature. Ah, c'est pas assez, il en faut plus. Pour la première fois seulement, le Bundestag va être présidé par une femme, la socialiste Bärbel Bas, 53 ans. Qui devrait succéder donc à l'incontournable Wolfgang Schäuble. Oui, lui, il était en fauteuil roulant, lui. Ah bah comme quoi, il représentait les handicapés, tout allait bien. C'est un féroce financier représentant du grand capital, celui-là. Membre du Bundestag depuis 1972. Voilà. Et d'importantes disparités subsistent entre partis. Les Verts compteront une majorité de femmes, 59%. À noter ça, c'est intéressant. Les écolo-communistes sont représentés par 59% de députés, femmes. Intéressant ça. Dont, je cite, hein, deux femmes transgenres, donc deux hommes déguisés en femmes. Donc ils ont une paire de couilles. Hein. Voilà, et ils ont des perruques aussi. Voilà. Tessa Ganserer, c'est la caricature ça. J'assure. Hein. Et Nike, c'est pas moi qui l'ai, ça s'invente pas. Slavik. Dans le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, donc l'AFD, les femmes ne représentent que 13% des députés. Voilà. Donc il y a quand même on voit bien qu'il y a, le vote nationaliste, le vote écolo-gauchiste, il y a une polarité sexuelle qui s'exprime. Hein. On voit bien que voilà, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est sexué hein, comme option politique. Hein. Et comme par hasard, le parti des femmes, hein, donc 59 représentés, enfin le groupe écolo-communiste au Bundestag est représenté par 59% de femmes, a une politique, donc représentée notamment par des négresses, c'est de faire venir plus de métèques, hein, bien sûr, vous avez compris ça. Alors donc, oui, les femmes font venir des métèques en Allemagne, ça se fait sentir, et on a donc des travelots, des négresses, on a des syriennes qui enseignent l'islam, des camerounais, alors les camerounais, des sénégalais, oh, voilà. On est quand même très très loin de l'Allemagne de 1933, dont on dit par ailleurs le plus grand mal, je ne sais toujours pas pourquoi. Messieurs, voilà, j'ai fait le tour du propriétaire. Est-ce que vous êtes conquis par cette assemblée allemande qui comporte maintenant des travelots en son sein? Qu'est-ce que vous en dites? Ce qui pourrait être des Allemands dans l'assemblée allemande, déjà, pour commencer. Bon, déjà, c'est intéressant parce qu'apparemment, on peut compter. Parce qu'on nous a toujours dit, on ne peut pas compter les Arabes, les Noirs, les Juifs. Les Juifs. Est-ce qu'on peut compter les députés juifs? Ça m'intéresserait, ça. Assez deux. Eh bien, monsieur, il faut nous dire de quoi il y a trop. C'est un concept intéressant. Comptons les Juifs, par exemple, qui ont du pouvoir, etc. Voilà. Non, bah, sinon, bah, écoutez, là, le type là, qui met des jupes, il faut absolument voir la photo, parce qu'il a une mâchoire... C'est Robocop avec une perruque et une jupe. C'est intéressant comme concept. Donc ça, apparemment, c'est député. Ok. Puis bon, bah, faut se poser la question. Qu'est-ce qu'ils foutent les Chinois? Quand est-ce qu'ils viennent nous envahir? Dépêchez-vous, les gars. Il y a pas quelqu'un qui veut leur vendre des codes nucléaires ou je sais pas quoi. Faut qu'ils se dépêchent, parce que là. Même les Russes, hein. Les Russes. Ah oui, qui hein, les Russes aussi, hein. Je prends. Hein. Ouais. Alors. Bachar el-Assad, hein, même. Hein, je prends. L'État islamique, je prends mieux. Hein. Ça, alors, Bachar, moi, je lui renvoie là sa prof d'islam là. Oui, d'ailleurs, faut faire un peu le lien. À mon avis, si elle est en Allemagne plutôt qu'en Syrie, c'est que probablement il y a peut-être un lien de cause à effet. D'ailleurs, hein. Ça soignera son surpoids, le fait d'aller un peu à Damas. Ah hein, oui, je pense aussi. Bouffer des dattes, le bouffer des kebabs, ça lui fera du bien. Moi, je vois pas tellement pourquoi on lui donnera à manger, hein. Mais alors, le travelot en question, c'est Tessa Ganzerer. Hein. Alors, il y en a un autre, c'est Nike Slavik. Bah, excusez-moi, Nike Slavik. C'est pas de ma faute. Hein. Voilà, bah, Tessa Ganzerer. Alors, il c'est vraiment le travelot, quoi. C'est-à-dire qu'il a une gueule de mec, il a la perruque et tout. Enfin, c'est le sketch, quoi. Alors, écoutez, là, moi, je reste interdit devant ce spectacle. Je reste interdit devant ce spectacle. Bon, clairement, c'est Weimar. C'est Weimar. Et même, c'est pire que Weimar. Parce qu'au moins sous Weimar, les travelots étaient cantonnés dans les rues de Berlin. Pas oui, dans le Parlement à Berlin. Ouais, voilà. Enfin, à Weimar, le Parlement n'était pas à Berlin, mais bon. Là, on a la femme à barbe. On a des négresses d'Érythrée. En plus, on leur dit, alors, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Ah ben moi, rien. J'ai milité pour qu'il y ait plus de métèques, en fait, en Allemagne. Ah oui, c'est intéressant, ça, d'accord. Ouais. Ah ben, vous avez votre place au Parlement, alors forcément, oui. Ah ben oui, je suis très contente. Et alors, on la voit militer pour des causes vraiment allemandes, hein, notamment Black Lives Matter, en fait. Donc, en fait, ces négresses sont cons comme des manches. Enfin, c'est proverbial de le dire, mais elles sont cons comme des manches. Et ça servit à rien. Enfin, c'est-à-dire, c'est des espèces de... Enfin, c'est des tokens, quoi. On les met là, ça amuse la galerie, mais ça sert à rien. C'est comme les travelots, ça sert à rien. Là, on a mis quelques nègres aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça vient de Francfort. Là, je ne suis pas étonné, par contre. Hein. Le Camerounais, là, il vient de Francfort. C'est pas étonnant. Hein. C'est comme Cologne, hein. C'est des villes... On a parlé de la mairesse de Cologne la dernière fois, là, qui fout des islamistes là en haut des toits pour qu'ils gueulent l'appel à la prière. Elle trouve ça très inclusif et très respectueux, si vous en rappelez. Bon, voilà. Ouais, enfin la démocratie, quoi, en fait. Hein. Démocratie, étape par étape, à la fin, vous avez les femmes à barbe et puis des négresses, le Black Matters. En France, c'est pareil, on a même délire. Hein. On raille souvent la Belgique, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont des... Ils ont quelques petits spécimens intéressants. Mais nous, cette semaine, on a eu la trisomique qui est au conseil municipal d'Arras, vous savez. Arras, donc dans le nord de la France, il faut savoir qu'au conseil municipal, donc il y a une trisomique, voilà, trisomie 21, qui est élue et qui a reçu récemment, je ne sais plus quoi, l'ordre du mérite, je sais pas, une connerie de... Ah, elle a été décorée. Ah bah bien sûr, bah attends, Gandalf, elle fait avancer la République, voilà. Ouais. Mais ça va, elle s'est pas étouffée en avalant la médaille. Non, mais voilà. Alors, si elle s'est pas étouffée, est-ce que quelqu'un pourrait l'étouffer avec sa médaille, s'il vous plaît? Non, mais je me rappelle de la trison. Mais par contre, je rebondis. J'ai des dons comme ça, de rebond. Puisqu'on parle de travelot, de démocratie, de Weimar et de France. Tout ça mélangé me rappelle que cette semaine, je suis tombé sur cette nouvelle. Vous savez qu'en France, dans le nord de la France, on a un maire qui est un homme déguisé en femme aussi. Donc, un travelot. Vous savez ça ? Qui veut être candidat à la présidente de la République. Voilà. Alors, elle, en fait, ce que vous voulez, est candidat à la candidature. Exactement comme Éric Zemmour. Ils ont le même statut au moment où je parle. Mais c'est un travelot ou un trans ? Ah, je sais pas s'il a été jusqu'au bout de sa démarche, hein, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il est déguisé en femme. Mais est-ce si important, hein. Le plus important, c'est que quand on le voit... C'est important, parce que les transsexuels ayant 41% de taux de suicide, trans, ça voudrait dire qu'on pourrait nous débarrasser assez rapidement, quoi. Ça serait pas mal, ça, un président français trans qui se suicide. Moi, j'aimerais assez ça, moi. Les médias diraient que c'est la faute des blancs. Ah, c'est la faute des nazis, ouais. Oui. Ah oui, hein. Bah, de toute façon, hein, les nazis, on n'en est plus là, hein, on a le dollar, hein, je veux dire. Qu'est-ce qui n'est pas de notre faute aujourd'hui, en 2021, je vous pose bien la question. D'ailleurs, bon, voilà, moi... Démocratie, moi je rappelle quand même qu'aux États-Unis, dans l'état du Kentucky, il y a un chien qui a été élu maire et réélu maire plusieurs fois, et d'un village, et le village se porte bien. Dieudonné voulait faire ça, mais il voulait présenter Biquette, mais on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. C'est un petit regret de ma part aussi, j'aurais volontiers voté pour Biquette. Bah, les Allemands ont Bico, c'est différent. Non, mais bon, là, l'Allemagne, là, bon, l'Allemagne, c'est vraiment Weimar. Bon, tout l'Occident, en fait, c'est Weimar. Et bon, là, j'allais dire, les fous ont pris le contrôle. Oui, donc les femmes et les juifs ont pris le contrôle. Donc, rassurez-vous, c'est normal, hein, d'accord, pas la peine de feindre la surprise. Tout est en ordre. Si les pays occidentaux sont des zoos à ciel ouvert, c'est parfaitement normal. Si vous voyez des noirs au coin des rues, donc des grands singes au coin des rues, c'est parfaitement normal. Les femmes contrôlent. C'est-à-dire qu'elles ne contrôlent rien. Pas de surprise. Alors, j'allais dire, n'ayez pas peur. Si, malheureusement, vous devez quand même avoir un petit peu peur. Malheureusement. Ouais. Bah, surtout si vous êtes un fœtus ou un enfant de moins de 9 ans, là, ça peut devenir dangereux. 9 mois, tu veux dire, 9 mois. Je dis, non, un fœtus ou un enfant de moins de 10 ans. Ah, voilà. Pourquoi ? Ah oui, tu veux dire, un réassignement de genre comme... Ah oui, oula, oui, oui, oui, oui. Oui, non, oui. Puis tu sais, promotion de l'homosexualité, la transsexualité, bon, voilà, la pédophilie est jamais loin. Effectivement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on note quand même que les femmes sont majoritaires chez les écolos, hein, donc c'est pas une surprise, hein. Quelqu'un qui connaît la sociologie des votes ne sera pas surpris. Est-ce que les femmes s'achètent donc une sorte de renouveau moral ? Vous avez vu, je sauve la planète, je fais du bien, regardez comme je suis super altruiste. Et parce qu'en plus, du coup, il faut quand même sauver la planète, il faut faire moins d'enfants. Mais il faut quand même envoyer de l'argent à Action contre la faim en Afrique et creuser des chiottes écologiques. T'as aimé ça, hein ? T'as découvert là, hein ? Ça, c'est important. T'étais pas au courant ? Explique un peu pour nos auditeurs qui ont peut-être Il faut aller sur le site, il faut regarder une vidéo absolument fantastique où en fait, il y a des femmes qui se mettent, celle d'exhibitionnisme, hein, qui se mettent en lumière dans une œuvre caritative en Afrique. Donc, l'œuvre en question consiste à se rendre en Afrique, à danser, à se faire sauter par des nègres et choper le sida, mais ça, c'est un petit bonus, et à construire des chiottes écolo pour les Africains. Qui regardent cette scène, j'ai envie de dire, d'un air médusé. Même eux, ils n'osaient même pas imaginer un truc. En fait, ils regardent, hein, ils regardent les femmes blanches creuser les chiottes, en fait. Voilà, et puis c'est bon pour la planète, puisque je sais pas. C'est vrai que sur la planète, on nous dit tous les jours qu'on est trop nombreux, mais si on rajoute peut-être 1 ou 2 milliards d'Africains, là ça va, là c'est bon. Je pense que la planète manque de nègres. Ouais, on ira beaucoup mieux avec plus de nègres. Le reportage en question, c'est des femmes blanches, c'est des jeunes femmes blanches, hein, donc en âge d'avoir des enfants, elles sont dans leur vingtaine, hein, et donc elles vont en Afrique creuser des toilettes sèches pour les nègres. Et les nègres les regardent croiser les toilettes sèches. Ils regardent, hein, ils sont spectateurs, hein, ils sont pas partie prenante. Hein. Et donc ces femmes blanches, ils mettent donc oui, il y a des femmes blanches, si vous voulez, qui passent leurs meilleures années biologiques de mère potentielle à creuser des chiottes en Afrique. Elles prennent le billet d'avion. Voilà. Alors évidemment, ces femmes blanches-là, les mêmes, hein, vous leur demandez de vous réchauffer des lasagnes au micro-ondes, elles vous crachent à la gueule. Hein. C'est clair, je veux dire. Tu m'as pris pour ta boniche ? C'est ça. Mais cogitez là-dessus. Hein. Cogitez là-dessus. Moi, je ne sais pas. Hein, je veux dire... Il n'y a pas de charge mentale, apparemment, pour creuser. Putain. En fait, ce qui est formidable avec le nègre, c'est qu'il remplit à la fois le rôle de l'enfant et à la fois le rôle de l'homme. Parce que faut pas croire, ces meufs là-bas, elles vont là-bas parce que soit elles sont pas, comment dire, elles ont pas d'enfants ici. Donc toute leur attention maternelle, elles peuvent pas le diriger sur quelqu'un. Elles veulent pas. Et comment ? Elles veulent pas. Oui, non mais elles le veulent pas, mais c'est pas pour autant que cette énergie-là n'est pas présente en elles. Et donc du coup, en allant en Afrique, ça fait d'une pierre deux coups. Parce que d'un côté, elles se font monter par les nègres, et ça risque d'enfanter, et en même temps, elle s'occupe du nègre qui, pour elle, est comme un gosse. Et c'est, ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique quand c'est avec des femmes en âge d'enfanter, mais ça l'est tout autant quand tu as vraiment des femmes qui sont déjà mères et qui ne s'occupent pas vraiment bien de leur gamin et qui, en plus, en de surcroît, vont en Afrique pour s'occuper de ces hommes-enfants. Ça, c'est un scandale. Hein. Comme évidemment. Évidemment. Mais ça, mais en fait, quand on donne, en citant en fait cette anecdote, Pierrot en fait renvoie en fait à ce qui à l'école au communisme et à l'école au féminisme, donc à la sociologie de ces femmes blanches là qu'on va retrouver dans les partis écologistes. On en rigole quand on dit voilà des femmes blanches vont en Afrique creuser des chiottes pour des nègres, mais ça, si vous voulez, c'est ce truc là. C'est le projet de l'écolo-communisme. C'est-à-dire que là, vous avez en une vidéo de 10 minutes le projet de, de l'écologisme occidental. C'est de creuser des feuillets pour des nègres. C'est que des femmes creusent des feuillets pour des nègres. C'est exactement ça. Et ça, ça rentre au Parlement allemand. Il y en a aussi en France, hein, mais fort heureusement pour nous, les écologistes en France... sont nuls. Ils n'ont pas 3% d'efficacité, donc ils sont vraiment nuls. Donc ils n'arrivent pas trop à percer politiquement, ça nous sauve. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Donc ils arrivent au Parlement, ils vous envoient comme ça des bordées de parlementaires, et c'est des femmes blanches comme ça, mais du même type que ça. C'est-à-dire que c'est des folles, négrophiles, mais qui haïssent l'homme blanc. Enfin, je veux dire, qui sont animés par la haine de l'homme blanc. D'accord, qu'elles appellent l'antifasciste, parce qu'elles ont que le mot nazi à la... En fait, de toute façon, nazi et mâle blanc alpha, c'est synonyme, c'est la même chose. Mâle blanc tout court, même. Hein. Ouais, mais dominant, hein, je veux dire, c'est parce que les mâles bêta, elles sont contents d'avoir leur cours de mâle bêta, là, tous les connards qui sont pour eux. Oh, je sais pas, parce que les bêta orbiters, elles en font pas grand-chose, à part... Leur soutirer leur fric et oui, t'as tout exactement, mais tu vois, comme les putes sur OnlyFans d'ailleurs, tout à fait. Mais donc ils font rentrer ça au Parlement par bordée entière, et c'est pour me... et qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles font rentrer elles ouvrent encore plus grande la porte de l'invasion. Donc là, on est vraiment on voit vraiment le en Allemagne, là au Parlement, on voit vraiment la dynamique sexuelle et raciale en mouvement. Là, on la voit, quoi. En France, moins, mais on n'a pas besoin en France, c'est pas grave. Parce que Macron, et c'est ça le vice de Macron, c'est-à-dire qu'en fait, Macron, il sait que toutes ces forces de dégénérescence et ces forces de fermentation, là, sont présentes en suspension dans la société, et plutôt que d'attendre qu'elles surgissent de quelque part, lui, il les capte, il en promeut. C'est pour ça qu'il récolte un peu tout, c'est un opportuniste, hein. De toute façon, son parti est un parti d'opportunistes, par définition, hein, c'est le centre, hein. Mais il a rompu avec l'ancien centre, pour être dans un néocentrisme où il peut prendre à peu près n'importe quoi. Il va prendre des bougnoules de banlieue, là, comme celui qui a cassé le crâne là, de Faure, là, l'ancien socialiste. Il lui a fendu le crâne, hein, littéralement, avec un casque de moto. Hein. Et il recycle des mecs comme ça, il recycle des cruches comme Chiappa. Mais ça plaît à son public de cruches, quoi, je veux dire, attention. Hein. De la même manière, il va prendre des négresses stupides, là, comme Laetitia. Enfin, il y a toute une kyrielle comme ça de clowns. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller se porter sur un parti qui, à l'état hyper concentré, à la même sociologie, en fait. Tu n'as pas besoin, en fait. En fait, quand tu as envie de voter radical en France, tu n'as pas besoin de voter radical, tu votes Macron. Voilà. Peut-être tout y est, déjà. C'est tout. Tu as les fiottes. T'as les musulmans, t'as, comment dirais-je, t'as les juifs, tu vois, t'as le mythe de l'Holocauste, t'as les Algériens, t'as tout y est, c'est bon, tout est là, t'as pas besoin d'aller à l'extrême gauche, c'est pour ça que Mélenchon, il rame, là, pourtant, regardez-le, il est malheureux, le Mélenchon, il est là, où est son public? Il n'en a plus, on n'a pas encore les députés trans comme en Allemagne, hein. Non, mais en fait, je pense que c'est juste qui est trans-homme sanglier. Oh, pas sanglier, non, pas sanglier, lui, c'est espèce de... Blatt. Non, il est gros. Et comment dire, ouais, non, il y a une histoire de tenue et tout, et, mais ça, ça va changer. Hein. Il y a eu un clash, là, récemment, je sais pas si vous avez vu le numéro, là, c'était laquelle, je sais plus quel ministre a fait son numéro. Ah, c'est dommage, justement. Donc, il y avait des gens qui l'appelaient Madame le ministre. Tu vois ? Parce que c'est son titre. C'est un ministre. Tu vois ? C'est comme dans l'armée, t'as une sentinelle. Le mec est pas en train de gueuler. Non, non, mais je suis pas une femme. Je suis un sentinelle. Non, non, c'est la fonction. C'est la fonction. C'est pas. Non. Mais les femmes n'arrivent pas tellement à comprendre le truc. Et comment dire ? Et la ministre de Macron a crisé. Dans l'Assemblée, hein. Elle a dit, ah non, vous m'appelez la ministre. Je refuse de parler tant que. Ça a carrément. Je ne suis pas un homme, monsieur. Oui, oui. Enfin, c'est. Bref. Donc, c'est la preuve. Enfin, en fait, le règlement est encore un règlement normal, rationnel, d'homme, donc. Et ça va changer. Je peux vous dire que la prochaine fois, ça n'arrivera plus. Ils vont dire, non, non, mais en fait, on peut appeler madame la ministre. Ça va changer. Je vous dis qu'après la présidentielle, ça va changer. Ça va être réécrit. Ça sera, on pourra appeler, on devra appeler même la ministre, machin. Comme il y a eu, là, la gendarmerie, là, la porte-parole. La colonel, deux ailes. Ouais, la colonelle. La colonelle de Zelleux. Donc, la colonelle de Zelleux. Madame la colonelle de Zelleux, bon, c'est la catastrophe, quoi. Voilà, donc on a mis une femme porte-parole dans de la gendarmerie. Et elle a décrété, toute seule, hein, elle a décrété qu'on dirait plus lieutenant-colonel, le grade. Parce qu'elle n'a pas compris que c'était un grade. Elle a dit, non, il faut que je suis une femme, il faut que ça se voit. Faut qu'on voit que j'ai des nichons et une chatte. Donc, elle a dit, madame la colonelle. Donc, maintenant, le porte-parole, pardonnez-moi, le porte-parole de la gendarmerie s'appelait madame la colonelle, voilà. Et elle a félicité, je ne sais pas quoi, une nana qui était colonelle aussi, dans le cyber, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était un truc récompenser les femmes... Les cyberfemmes, j'ai rien bité du truc. Ouais, bon, les femmes qui font des trucs. Ouais, ouais, bah... les bagnoles et puis elles font le café. Alors, moi, je suis d'accord, ok. Mais sauf qu'elle est... c'est elle qui cause pour la gendarmerie, si tu veux, tu vois. Donc, elle a décidé de tout réécrire. Alors, et le truc, c'est qu'il y a des fois, ils prennent les photos et tout, donc t'as le colonel, tu tapes la tête contre les murs, voilà. Mais le plus marrant, c'est qu'il y a 10 ans, elle aurait fait la même scène, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait adressé à elle, qui serait trompé en disant la colonelle, elle aurait crisé de la même façon en vous disant non, c'est le colonel. Exactement, exactement. C'est-à-dire que tous les 5-10 ans, il y a une update du langage. C'est un test, hein, c'est un shit test. Est-ce que tu es au courant des dernières innovations woke ou pas ? Est-ce que tu en es ou pas ? Ils nous font ça tous les 5-10 ans. Mais c'est un truc de mondain, quoi. C'est pour montrer, imposer le langage aux gens, langage de cour pour montrer est-ce que vous en êtes ou pas. Ouais, enfin, est-ce que tu te soumets aux femmes, surtout, ou pas, hein. C'est surtout ça, le truc. Hein. J'ai une question, parce que sachant que normalement, madame la colonelle, c'est un terme qu'on utilise lorsque l'on écrit une correspondance à la femme du dit colonel. Imaginons que madame la colonelle est mariée à une femme parce que lesbienne. Comment j'appelle la femme de la colonelle ? Tu l'appelles pas. Oui, je l'appelle pas. Je lui parle pas parce que je suis un blanc, je suis un mâle, hein, donc c'est sale. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Mais non, mais ne riez pas. Enfin, si, riez franchement, mais. si. Mais non, mais c'est le porte-parole de la gendarmerie et pas du tout reprise ou quoi que ce soit. Hein. Donc et. Alors, c'est pas français en plus. Donc, la langue française est massacrée. Elle écrit la colonelle. Alors, pour ceux qui ne se représentent pas le truc, c'est la colonelle E2LE. OK. Sur son titre, sur Twitter, sur maintenant sur les. Comment dirais-je les, dans les conférences, et c'est ce qu'elle mettait en avant d'ailleurs lors d'une de cette fameuse remise de récompense, etc. Colonel, le truc de bonne femme, là. Et ils en mettent partout. Ils en mettent absolument partout. Et voilà, ça y est, c'est bon, c'est cool, les femmes ont pris le contrôle de la gendarmerie. Alors, désolé, mais pour en revenir à Huguette, la gendarmerie est occupée, Huguette. D'accord ? Donc oui, tu as des voisins turcs qui te menacent de mort tous les jours, qui souhaite que tu meures très rapidement pour prendre ta maison, Huguette. Oui, d'accord, mais la gendarmerie est occupée, parce qu'elle est dirigée par des femmes qui s'occupent de sujets très importants qui consistent à mettre E2LE à colonel E, d'accord ? La République d'abord, hein ? Voilà, j'espère que le message est bien passé. Ok ? Oui, c'est bien connu que Huguette est une fasciste, en plus d'être une sale blanche privilégiée. Oui, bon, tout Alsace-Moselle, c'est signé. Et une égoïste parce qu'elle fait passer ses intérêts personnels devant la lutte contre le patriarcat. Ce qui est quand même assez bas et mesquin. En plus, elle est islamophobe. Alors ça... Ah bah... Voilà. Bon, bah alors sur ces belles paroles, je veux dire... Je dirais, puisque j'ai appris qu'il y a une Sénégalaise au Bundestag, donc que maintenant c'est clair qu'Asselineau ne parlera plus jamais en mal de l'Allemagne, ça c'est clair, c'est bon. La réconciliation franco-allemande va pouvoir avoir lieu, parce que finalement, au Parlement français comme au Parlement allemand, ça sera des négresses qui seront en train de mener les débats. Moi je dis, formidable, c'était pas exactement la réconciliation qui était prévue, mais écoutez, ça va quand même de l'avant. Hein. Ça me rappelle un peu ce qui avait été écrit par un peintre en bâtiment autrichien, par ailleurs aquarelliste, qui a fait plus tard une carrière politique, mais qui avait écrit un petit livre là, qui avait un peu décrit la France, avec un petit temps d'avance, en disant qu'il allait se passer des choses au niveau migratoire. Bon, bah écoutez, finalement, les deux rives du Rhin vont pouvoir se parler à nouveau. On peut peut-être en... Mais puisque François Mitterrand, je crois que c'était François Mitterrand hein, qui avait donné la main à Helmut Kohl, vous savez, pour la réconciliation franco-allemande, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer François Asselineau qui tienne la bite du député Travelot allemand des photos. Ah oui, moi je trouve ça pas mal, ouais. Et pourquoi ils ne se mettraient pas chacun une main au cul pour commencer ? La bite, c'est peut-être un peu tôt, non ? Non, mais la négresse prendra la photo. Eh ben voilà. Bon ben, vive la République et vive la France. À la semaine prochaine, les amis. Oh, c'est fini. À la semaine prochaine. Salut. Zig, Kyle, Rittenhouse. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là.